vous êtes à CIF. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Samuel Girard nous offrira un déferlement d'opinions sur l'actualité dans Girard part sur une Girard. Et Marie-Christine Perra nous versera ses connaissances artistiques dans Gratin et Vin gratuit. Assemblage Reiki commence tout de suite. Assemblage Reiki pour toi, aujourd'hui. Assemblage Reiki pour toi, aujourd'hui. Assemblage Reiki en ce lundi 1er février 2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est 85 jours avant la fin de l'année scolaire. Comment ça va, Tania? Ça va bien, ça va très bien. Et toi? Good, très bien aussi. J'avais de l'impro hier. On avait un match à Shawinigan. Oui, j'ai vu quelques photos circuler sur Facebook. C'était pas mal cool tout ça. Pas mal cool. Sinon, ben, ce matin, c'était encore aussi du sac d'habitude. Oui. On s'en sauve pas. On s'en sauve pas. Qu'est-ce que t'en penses si on parlait de l'émission d'aujourd'hui? Allons-y. Ensemble. Samuel Girard va être là à 8h30 pour sa chronique. Samuel Girard, passe sur le Girard. Comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Parce qu'il n'a pas trouvé de nom encore. Non, je pense pas qu'il va en trouver un. Je pense pas non plus. Non, c'est ça. Donc, on va parler avec lui à 8h30 d'actualité, surtout canadienne, donc nationale, provinciale. Ensuite, à 9h, Marie-Christine Perra qui nous parle, elle, d'art visuel, surtout des fois de théâtre ou de trucs vraiment fancy. Mm-hmm. On aime ça avec elle. Elle a de la classe. Elle nous en donne un peu. Sinon, ta chronique à toi, Tania Esgolin-Tutinia, qu'est-ce qui s'en vient? Je vous parle d'alcool et du mois de février. C'est un mois important pour toi. C'est un mois important pour plusieurs personnes au Québec parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui vont participer à l'événement dont je vais vous parler. Mais je vais aussi vous faire peut-être réaliser à quel point les Québécois boivent beaucoup. Ah oui? Comparé au restant du Canada. Ah ben, j'aurais jamais pensé. Eh ben, c'est parce que c'est plat, c'est parce qu'il fait froid. Ah! C'est peut-être pour se réchauffer. Peut-être pour ça. Alors, quelques instants, on va faire C'est un fait un peu, mais ça va en écoute la Valérie. Voici les enseignes au nez. Sur C'est fou. Je pensais pas ce soir-là me laisser enivrer par tes mots. J'avais déjà la tête de tracas, tes mots ont desserré les dents. Tes mes épaules. La Valérie, avec les enseignes au néon. Un assemblage requis. Hey, moi, je vais vous enseigner des affaires. Comme si je faisais du rap, mais avec de l'information, genre. Pour vrai? Poum, petit poum, les affaires, c'est perruche. Petit poum, petit poum, petit poum. Voici, non, je ferai pas ça. Tu veux pas que je fasse ça? Ben, t'as le droit, mais tu sais. OK, je vais chanter une chanson normale à la place. OK, okay, on essaie. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait, la collecte des choses véridiques, véritables et vérifiables selon Internet, les sources sur assemblagerequis.com. Commençons avec Stephen Hawking. Tu connais Stephen Hawking? C'est celui qui se promène en chaise roulante et qui utilise un text-to-speech pour dire les choses qu'il ne peut pas dire de sa propre bouche. Ouais. Bref, son fils Tim Hawking a ajouté des jurons au système de synthétisation de la voix de son père comme blague. C'est très intéressant. C'est quand même cute. Hein? Donc, Stephen Hawking, évidemment, un des physiciens les plus connus au monde. Il a eu trois enfants nés entre 1967 et 1979. Un de ces enfants-là est bien sûr Tim Hawking. Tim a révélé quand il était jeune que quand il était jeune, bref, il faisait des blagues à son père, dont ajouter des jurons à son programme et utiliser une chaise roulante spécialisée comme go-kart. Ben oui, pourquoi pas? Ben oui. La paire, donc père-fils, c'est aussi rapproché en jouant à des jeux. Ils étaient très compétitifs, les deux. On peut les voir en photo en train de jouer aux échecs sur assemblagerequis.com. Ensuite de ça, en Géorgie, il y a une pièce scellée. OK? Scellée en 1940, qu'on appelle la crypte de la civilisation, qui contient plusieurs artefacts, donc documentant un peu la vie à l'époque, lorsque ça a été scellé en 1940. Et on va ouvrir cette pièce-là en 8113. OK? 8113. C'est incroyable. Donc, ça a été scellé donc, à l'université de Oglethorpe, à Brookhaven, en Géorgie. La crypte, c'est des choses, évidemment, qui datent de cette année-là. On dit dans le livre des records Guinness de 1990 que c'est le premier essai avec succès donc, d'avoir essayé d'enterrer un enregistrement, si on veut, de la culture pour les habitants du futur sur la planète Terre. Voilà, c'est la première fois qu'on a réussi ça. Ensuite, en 2001, un homme a lutté, s'est battu avec un recueil de 7 pieds pour aller retrouver le bras qui avait été arraché, donc le bras de son neveu. Après avoir sauvé le garçon, l'homme a replongé, a saisi le requin et a lutté avec lui pour l'amener jusqu'au bord de la rive jusqu'à ce qu'un ranger lui tire dessus. Le requin, pas le gars, évidemment. Mais j'espère. Donc, on a réussi à retrouver le bras dans sa gueule. On l'a mis sur glace, on l'a amené à l'hôpital rapidement et on a réussi à le recoudre sur le neveu. Wow! C'est de l'héroïsme. Bravo. Quand même fou. Hey, 7 pieds, c'est long, longtemps. Hey, tu dis. Un criminel français utilisait des oranges peintes comme des grenades pour s'échapper de prison via un hélicoptère piloté par sa femme qui a pris des leçons de vol simplement pour réussir à faire s'évader ce monsieur-là. Wow! Des oranges peintes en grenades. Quand même. Bon. Le symbole égal n'a pas été inventé avant 1557 pardon, par un mathématicien qui l'a inventé parce qu'il en avait assez de la répétition redondante de la phrase « est égal à ». Donc, il a inventé un signe qu'on appelle maintenant « égal ». C'est universellement accepté en mathématiques pour l'égalité. Donc, un mathématicien... je me rappelle jamais le mot « Welsh » veut dire quoi en français? J'oublie à chaque fois. Je ne sais plus. Deux secondes. C'était quoi déjà? C'était gallois. Gallois. Normal que je m'en souvienne pas, c'est pas un mot facile à retenir, ça. Mais c'est maintenant un nom de famille aussi, Welsh. Welsh? Oui. Ah, ben, c'est aussi une sorte de jus de raisin. Ah! Un homme brésilien a inventé la technologie de l'identification de l'appel, tu sais, le caller ID. Là, quand quelqu'un t'appelle, ça dit le numéro de la personne. Ouais. Il y a plus de 25 ans. Aujourd'hui, il participe aujourd'hui à 40 poursuites pour réussir à récupérer de l'argent de son invention. Au total, c'est plus de 25 milliards de dollars. Wow! Qu'il aurait pu avoir après avoir inventé ça. Quand même. Ouais. En 1986, un épisode de 60 Minutes, c'est comme une émission genre à la enquête, un peu entrevue et reportage en profondeur. Donc, 60 Minutes a passé un exposé sur la Audi 5000, 10 ans, présumément, que ça pouvait accélérer tout seul, cette voiture-là. Par contre, leur démonstration en ondes a utilisé une voiture arrangée, donc truquée, si on veut, pour montrer des résultats falsifiés. Des tests du gouvernement plus tard ont complètement blanchi Audi. Leur vente avait déjà descendu. Par contre, 60 Minutes s'est jamais excusé. Le reportage de 60 Minutes sur le Audi était pas la première fois qu'un réseau de nouvelles majeures arranger ses tests pour faire dire quelque chose. NBC a fait la même chose à Chevrolet en 92, mais un pompier, lors du test de NBC, de ces Chevrolets-là, a, comment dire, stoulé NBC, les forçant de cracher une excuse en onde. Ça, c'est correct. Ouais. Il y a une île qu'on appelle Just Enough Room, où il y a juste assez de place pour un arbre et une maison. Oh! Just Enough Room. C'est tout petit, tout petit, tout petit. C'est pas juste tout petit, là. C'est du moment qu'il y a une petite rafale de vent, t'as de l'eau dans ton salon, je exactement. Sais pas. Et dépendant de la hauteur de l'eau à ce moment-là, on voit pas l'île. Ouais, c'est ça, exact. Tu peux vraiment mettre le pied à l'extérieur de la maison et avoir tomber, comme. Ouais. Donc, Just Enough Room Island fait partie des 1000 îles dans la rivière du Saint-Laurent. Ah oui. Donc, c'est la plus petite de 1864 îles dans cet archipel célèbre partagé entre les villes de Ontario, et New York. Mm. Just Enough Room Island est une partie légitime de ces 1000 îles, étant donné les trois critères que ça remplit. Donc, numéro 1, niveau au-dessus de l'eau à l'année longue. OK. 2, avoir une aire de plus de 1 pied carré ou 0,093 mètres carrés. Et 3, avoir au moins un arbre vivant. Ce sont vraiment les trois critères. C'est les trois critères, OK. Pour être une île. C'est quelque chose. C'est quelque chose. Et bravo à cette famille-là, j'imagine. Ça doit pas être une grosse comment famille. Comment tu fais pour aller au travail? Exactement. Eh oui, voilà. C'est pas comme s'il y avait une chaloupe de parquet à côté de la maison. Il y a même pas de garage. T'appelles un taxi. Un bateau-taxi. Je sais pas, hein. Un garçon de 13 ans nommé Subham Banerjee a fabriqué une imprimante braille en Lego après avoir découvert que des millions d'aveugles dans les pays en développement achetaient des appareils braille qui leur coûtaient jusqu'à 2000$ et pesaient jusqu'à 20 livres. Il imprime du braille à partir d'ordinateurs jusqu'à du papier en utilisant des points qui sont un petit peu en relief à la place d'utiliser de l'encre. Ça pèse seulement quelques livres et ça coûte seulement 350$ sa machine comparé à 2000$ pour les personnes aveugles. Quand que je vois de jeunes enfants âgés comme ça, entre 13, 17 ans, faire des découvertes assez incroyables que je me dis que mon Dieu que j'ai manqué de quoi dans ma vie. C'est ça, on est poche, hein? On se trouve un petit peu poche. Mais bon, hein? On peut pas tout réussir. Hey, le petit gars, hein, fallait qu'il trippe l'ego en tabarouette. Vraiment. Ou science. Et qu'il soit intelligent à la base. Déjà, il a l'air très intelligent. Moi, je trouve pas qu'il a l'air d'avoir 13 ans. Non, c'est vrai. Non, il est mature pour son âge. Falsification, je suis sûr qu'il peut vivre ça. C'est peu. L'âge, c'est quoi l'âge? Hein? Non, mais quand même, là, 13 ans, puis tu crées une machine à braille. Bravo. Tu dois lire le dictionnaire avant de te coucher le soir. Mm-hmm. C'est clair. Puis ça, c'est pas mal plus utile que les concours d'épellation. Oui, c'est vrai. On veut pas minimiser vos talents là, en tant qu'épleur. Je faisais ça quand j'étais plus jeune. C'est le fun. À l'école primaire, il y avait des concours comme ça. Oui, c'est vrai. J'étais forte. Mais on voit où ça m'a mené. Et voilà. À dire des faits par rapport à voilà. La James Harrison, aussi nommé le nom avec un bras d'or, The Man with the Golden Arm, a commencé à donner du sang régulièrement à l'âge de 18 ans. Et les scientifiques ont appris que son sang contient du RHD, immune globulin, et des anti-D, ce qui l'aide à prévenir la maladie de rhésus. Ah? Donc, il a fait plus de 1000 dons de sang et a sauvé plus de 2 millions de bébés. What? Hein? Ça, il doit être tout drainé de sang. C'est ça. Tout maigre. Tout maigrisson. Je sais pas. Mais quand même, c'est quelque chose? J'adore ça. Mais moi, j'aurais peur qu'il découvre quelque chose justement dans mon sang. Tu sais, tu vas donner du sang. Tu penses que tout est beau, puis là, boum, ils t'apprennent quelque chose. C'est pour ça que tu y vas pas? Oui et non. J'ai un petit peu peur de feinter. J'ai une peur bleue de m'évanouir après avoir donné du sang. Mais c'est pas grave, t'es pas la seule qui s'évanouirait, non? Ouais, je sais pas. On devrait. Oui, ben on a dit qu'on devait le faire quand il passe ici à l'UQTR. Est-ce qu'on l'a fait? Non. On l'a pas fait parce qu'on a complètement oublié. C'est vrai, mais ça passe vite la journée. C'est vrai. En 2001, le soutien technique de UNC, cette université, a décidé de faire une analyse de leur serveur. Ils ont réalisé qu'ils n'arrivaient pas à trouver un de leurs serveurs les plus performants. Ils ne le trouvaient plus. Okay? Éventuellement, ils ont dû suivre les câbles. Hein? Ouais. Ils ont frappé un mur. Littéralement, parce que le serveur avait été enterré derrière un mur lors d'un remodeling, donc d'une reconstruction il y a 4 ans. Ans précédemment à ça. Wow. Tu sais, allô, le gars qui a décidé de mettre le mur devant, sans dire hey, excuse, est-ce qu'on déplace ça avant de faire le mur? Ça ne serait pas payer un mur ici, mais là, on va pas annuler, on va pas fermer le serveur. Là, les gens vont se plaindre que le serveur est éteint. Fait qu'on va construire le mur par-dessus. Il n'y en a pas rien de moins. Un professeur de l'Université Princeton a récemment prouvé qu'on peut avoir des flocons de neige identiques. Oh, il en a fait pousser lui-même. Il a fait pousser. Quoi? Il a fait pousser des... Ah! Des flocons de neige. C'est possible? Apparemment, selon snowcrystals.com, /identical twins. Oui, oui, des jumeaux, toi. Ce sont des vrais cristaux de neige, des morceaux donc de glace qui sont matérialisés à partir de vapeur d'eau dans l'air. Wow. Donc, dans la photo sur assemblagerequis.com, on voit qu'ils sont littéralement identiques un à côté de l'autre. C'est des, ce qu'on appelle des designer snowflakes. Donc, designer comme dans créer par l'humain. Quand même! En 1969, le Army Corps of Engineers, donc okay, c'est une équipe d'ingénieurs, a réussi quelque chose d'extraordinaire. Ils ont éteint les chutes Niagara. Ils n'ont pas construit un mur devant comme les serveurs de temps. Non, c'est ça. Ils ont fait ça pour nettoyer la place et vérifier l'intégrité structurelle de la place, donc voir si tout fonctionnait correctement. Et puis, ils ont rallumé les chutes Niagara par après. Wow! T'sais, ça se fait. Tout se fait. Tout est possible. En 2011, l'orchestre Detroit Symphony Orchestra était en grosse crise financière. Et notre bon ami Kid Rock, ce qu'il appelle maintenant « the best drunk move I ever made », la meilleure chose que j'ai fait alors que j'étais sous, a décidé de faire un concert bénéfice. Okay. Il a ramassé plus d'un million de dollars pour la symphonie et a aidé à sauver la musique classique à Détroit. Oh, merci. Chapeau, Kid Rock. Chapeau, en effet. Et puis, il porte un chapeau souvent. Ben oui, tout le temps. C'est rare qu'il ne porte pas. C'est vrai. Un homme français nommé Benoît Lecomte a déjà nagé 3716 miles. Donc ça, évidemment, en kilomètres, Tania, tout le monde sait ça, c'est 5980,3223 km. Ben oui, exactement. C'est ce que j'allais dire. C'est ça, j'ai juste... Comme ça. Dans mes claques des doigts, puis go. Demain. Donc, il a réussi à nager dans l'océan Atlantique du Massachusetts à la France. Ça lui a pris un total de 73 jours. 5 de ces jours-là étaient passés avec un requin blanc qui courait après toi. Ah! Ben, il nageait. Rien de moins. Bon, félicitations, Benoît Lecomte. Aujourd'hui, on a de grands héros. Il est quand même nagé sur un méchant temps. Hey, moi, j'aurais pogné juste une sangsue. J'aurais arrêté. Lui, il nage à côté d'un petit, ben oui, petit requin blanc. Pas de problème, continue. Tellement. Hey, ça me rappelle le célèbre gag. Did you just flew, over here? Yes, and boy, my arm's tired. Est-ce que t'as volé jusqu'ici en avion? Oui, mes bras sont fatigués. C'est la célèbre blague pour enfants. Oui. Les Japonais ont un mot pour l'habitude qu'on a tous, toi et moi et tout le monde, d'acheter beaucoup de livres et de ne jamais les lire. J'en ai quelques-uns comme ça. Ouais, ben dorénavant, tu pourrais dire Tsundoku. Tsundoku. Tsundoku. T-S-U-N-D-O-K-U. C'est acheter des livres et ne pas les lire. Hein, on les laisse s'empiler sur des, dans ta bibliothèque, sur le plancher, sur une table de nuit, etc. Donc, Tsundoku, retenez ça. Okay. Mais ça fait honnêtement des belles décorations. Des livres, ah ben oui, t'as l'air d'avoir de la classe. T'as l'air ouais, d'avoir exactement. Une grande culture. Une grande culture. Les résidents du village de Chitterton, en Angleterre, oui, oui, Chitterton. Chitterton. Ils étaient tellement tannés que les gens volent leurs pancartes, évidemment, Chitterton, hein. Donc, ils l'ont remplacé avec un bloc de pierre de 1,5 livres avec le nom du village écrit dessus. Bien sûr. C'est intelligent. Personne ne peut voler ça, 1,5 livres. Le T-shirt a été inventé en 1904. Ah ouais? Oui, on a essayé de vendre ça aux jeunes célibataires, les bachelors, qui ne pouvaient pas coudre ou remplacer leurs boutons de chemise. Donc, on a créé le T-shirt. C'est pas mal plus facile à porter. Hein? Vu comme ça. Voilà. Mais oui, parce qu'avant, c'est vrai, les gens, ils portaient des camisoles en dessous de leur chemise. Absolument. En Allemagne médiévale, les couples mariés pouvaient arranger leurs disputes, donc vraiment régler leurs problèmes en se battant lors d'un duel judiciaire. Pour rendre ça égal, hein, parce qu'on trouvait évidemment que les femmes étaient beaucoup plus faibles que les hommes, ouais. Donc l'homme devait se battre à l'intérieur d'un trou avec un bras attaché derrière son dos, okay? Alors que la femme, elle pouvait bouger n'importe comment et était armée d'un sac rempli de roches. Ben voyons! Hein? Tu sais, pour rendre ça égal, là, vraiment, c'est juste. C'est très, très égal. Ça, c'est parfait, ça. Il y avait sûrement le nom de Chatterton en Angleterre sur une, wow, une pierre de 1,5 tonnes, tant qu'à faire. Sûrement. Ensuite, en Angleterre, jusqu'au début du 20e siècle, un homme qui voulait se séparer de sa femme pouvait l'amener au marché, d'accord? Et ouais, pouvait la vendre à la personne qui misait le plus d'argent. Ben, voyons donc. Hein? Une belle époque en Angleterre. Une très belle époque. Jusqu'au 20e siècle, wow! Le plus petit Discman à avoir été fabriqué était plus petit qu'un CD. Dans les années 80, oui, Sony a produit le Discman. On connaît ça, c'est la version CD de son Walkman à cassette. Mm-hmm. Hein? Tout le monde a eu ça à un moment donné, si vous avez l'âge pour ça. Mais le Sony D88 était très différent des autres. C'était un lecteur CD portable qui était trop petit pour mettre un CD à l'intérieur. Oui, oui, oui. Ça a l'air bizarre de même. Un compact disque, un CD, un diamètre de 120 mm ou 4,72 pouces. Jusque-là, tu me suis. Mm-hmm. Il y a aussi un format qu'on appelle le mini-CD, 80 mm ou 3,15 pouces. Ces mini-CD-là étaient utilisés pour des singles, donc des pièces toutes seules, ou des fois ça venait avec un ordinateur ou avec un appareil comme un lecteur MP3 pour installer tes pilotes. Ça marchait dans les mêmes lecteurs. C'est pour ça que dans les lecteurs CD d'ordinateur, tu as un petit rond dans le milieu. Les gens, des fois, se demandent pourquoi il y avait un petit rond dans le milieu des lecteurs CD. C'était pour ces mini-CD-là. Bref... C'est pour ça. Ces petits disques-là entrent là-dedans. Et dans le fond, l'aiguille vient par le milieu et le pogne. C'est à peu près ce que ça fait. Donc, le Discman D88 de Sony, présenté en 1988 pour la première fois, imaginez un monde où le mini-CD pouvait peut-être éventuellement un jour devenir populaire et que les gens allaient transporter seulement une chanson à la fois sur des petits CD. Hein? Des visionnaires, Sony. Ben oui, hein? Évidemment, ça n'a jamais fonctionné, mais ça existe. Et ce qui est encore plus bizarre que ça, Tania, oui. Et vraiment, tu le vois dans la vidéo en dessous de l'article sur assemblage.com, c'est que le D88 pour les mini-CD pouvait aussi fonctionner avec des CD normaux. Ouais, c'est ça. Et le CD sortait de deux des côtés et tournait dans la machine. C'est n'importe quoi. Qu'est-ce belle qui peut mal tourner? Belle façon de scraper ton CD. Tellement. Donc, Sony avait déjà fait aussi, elle avait déjà fabriqué des Walkman qui étaient trop petits pour une cassette. Ok, donc tu l'ouvrais pour lui donner sa grandeur normale, mais quand il n'y a pas de cassette dedans, tu pouvais comme l'escamoter, si on veut. Wow. Ouais. Et ils ont aussi fait un lecteur de disque vinyle qui était trop petit pour un LP. Et c'était la même chose, le disque dépassait autour. Mais c'est Sony, c'est des visionnaires. Ils veulent rapetisser tout, vrai. Mais le format n'est pas rendu là, fait que se disent, on va faire pareil. Il n'y en a pas de problème. Ensuite, c'est les origines scientifiques de votre rafraîchisseur d'air, de votre petit sapin dans votre voiture. Oui. On se demande toujours pourquoi est-ce que tout le monde a ça, les petits sapins. Il me semble que tout le monde a un petit sapin dans son auto. Où est-ce qu'on achète ça, vraiment? Ça, je pense que c'est pas mal au magasin du dollar. Ouais, d'accord. Je savais pas ça. Mais sinon, pourquoi est-ce que tout le monde achète ça? Pourquoi est-ce que c'est pas une autre forme? Hein? Voilà. Mais il y en a qui ont une forme. Oui, mais tout le monde a un arbre. Au moins une fois dans sa vie, a eu un arbre. C'est vrai. Au moins une fois dans ta vie, t'as eu un arbre. Dans sa voiture. Donc, l'historique des Little Trees, c'est leur nom de marque, Little Trees, ces rafraîchisseurs d'air ont commencé à Watertown, à New York. Et c'est devenu un phénomène mondial connu partout ailleurs dans le monde sous le nom de Magic Trees, ou sinon Wonder Palm, ou encore Boyut Promotion, ou encore Arbre Magique en français. Oui. Mmh. Ces petits arbres-là ont... plus comme au début seulement l'odeur de pain. Hein? Les arbres ont été brevetés en 1959 et aujourd'hui les fragrances les plus populaires sont Black Ice, okay, glace noire, Vanilla Roma, oui, à de vanille, New Car Scent, odeur de nouvelle voiture, bien sûr, et Royal Pine, donc pareil comme du Pine Soul, j'imagine. Donc une petite vidéo de démonstration de ces petits arbres-là et de leur historique. Ça revient à un vendeur de lait, plutôt grognon, à un chimiste, et à quelques conifères canadiens. Ah ouais. Ça vient du Canada. Je savais pas. Et on se demande, pour terminer, pourquoi est-ce que les livres ont des pages vides? Hey, c'est vrai ça. Pourquoi ça? Une page sans mots qu'on rencontre une fois de temps en temps, deux chapitres, au début, à la fin. On peut prendre n'importe quel livre, qu'il soit couverture souple ou couverture rigide, et on va trouver deux pages vides au début, à l'arrière, et les deux des fois. Donc, selon l'artiste du plaçage de livres, Steven Tiano, l'apparence de gaspiller du papier, en fait, ne coûte pas d'argent aux éditeurs de livres. Ça a à voir avec les signatures. Okay? Donc, c'est un groupe de pages que les imprimeurs vont plier et couper pour assembler un livre ensemble. Donc, une signature, ça peut être quatre pages, comme aux Ondes Campus. Nous, c'est, on fonctionne par quatre pages à la fois. Oui. Donc, on a les deux pages dans l'avant du panneau et les deux pages en arrière du panneau, qui peuvent être en couleur, en noir et blanc, etc. etc. Ça peut aller jusqu'à 32 ou à 64. Il faut toujours être divisible par quatre. Donc, si le livre mesure ou dure 200 pages, ça fitterait parfaitement. Mais si le livre a 203 pages, ça veut dire qu'il va y avoir des pages de restant, si on veut, d'une de ces signatures-là ou d'un de ces panneaux-là. Donc, pour équilibrer les choses, on va mettre une page de plus de texte. Ça va demander une autre signature de 4 pages avec 3 pages gaspillées. Donc, des designers comme Tiano vont essayer de condenser la police des caractères en jouant aussi avec l'espacement, avec les marges. Le kerning qu'on appelle, c'est vraiment l'espace entre les lettres pour réduire la place entre deux caractères spécifiques à travers le livre. Et ça peut nous sauver, nous économiser une page. Évidemment, c'est plus compliqué que ça en a l'air. Là. On pense à moi, je connais ces affaires-là, mais l'auditeur moyen pourrait se dire que c'est donc du niaisage pour rien. Mais si c'est pour sauver 4 pages de papier, fois le million de livres que tu vas faire. Ouais, c'est hein? surtout ça. Voilà, donc on ne veut pas payer pour le papier qui ne sera pas utilisé. Donc, des éditeurs vont opter en remplissant l'espace pour mettre peut-être une liste d'autres livres que l'auteur a écrits, des extraits de d'autres livres, des illustrations. Pour les manuels d'instruction, les livres scolaires et d'autres publications plus de niche, on pourrait imprimer la phrase « Cette page a été laissée vide ». Intentionnellement. On a déjà vu ça dans quelques livres. Donc, le lecteur ne va pas penser qu'il lui manque d'informations vitales. C'est pour ça qu'on écrit ça au milieu de la page. Et les pages vides sont tellement routinières dans l'expérience de lecture que Tiano a reçu des demandes spéciales de la part d'auteurs qui s'auto-éditent. Et donc, ils voulaient insérer des pages dans leur projet, des pages vides par exprès. Certains demandent une page libre au début et une page à la fin parce qu'ils pensent que c'est seulement une tradition. Ça, ou bien il y en a aussi, quand que tu fais signer ton livre, il va faire signer sur ses pages blanches. C'est un très bon point où tu peux prendre des notes. Oui. Genre à aller vérifier telle affaire ou des trucs comme ça. Ouais, ça sert comme page de notes et comme page de signature. C'est un très bon point. Voilà, c'est tout pour C'est un fait. Les liens sur assemblagerequis.com. Autour de la pause, c'est Tania qui va vous divertir pour la prochaine demi-heure. Oui. Dans Tania et Scott Entertainer, c'est là. Vous êtes assez fou. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Reiki pour toi. Toujours à Assemblage Requis, en ce lundi 1er février 2016, c'est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Déjà en février, et en plus un mois court. Oui, c'est vrai. Ça avance vite, là, je trouve. 28 jours exactement. À 85 jours avant la fin de la session, ça n'a aucun sens. Oui, 28 jours. Non, attends, on est en 2016, il y a 29 jours. On est-tu une année bissextile? C'est une année bissextile, ma chère. C'est rare que ça arrive, c'est la même année que les Olympiques d'été, les bissextiles, quand on y pense. Hey, j'avais jamais réalisé, mais maintenant que tu le dis... C'est le fun, hein? Dans quelques minutes, dans une demi-heure environ, ce sera Samuel Girard avec sa chronique et qui va nous parler du revenu disponible des Québécois. Ça s'en vient dans un peu moins d'une demi-heure. Mais avant ça, c'est le moment de se faire divertir par Tania Baudin. Voici Tania is gonna entertain ya. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. Et c'est ce que nous avons été Tania. Glou glou glou glou glou glou glou glou. Elle a bu son verre comme les autres. Et c'est ce que nous avons été Tania. Tania Baudin. Bon matin. Je pense qu'elle chante cette chanson-là. Avant ma chronique, ça me permet de danser et de me réveiller en quelque sorte. J'avoue, il fallait commencer avec ça à 7h30. Ouais. Vous avez des petites tapes d'en face. Hey, parce que c'est difficile. Non, je pense qu'on est aveugle de s'amener tout le temps du café, de le boire avant l'émission, avant d'entrer en studio. Quelle bonne idée. J'avoue que la logique de prendre le café après l'émission est plutôt douteuse. Plutôt raboteuse. Mettons, c'était pas notre meilleure, celle-là. Donc, on parle d'alcool aujourd'hui, non pas de café. Oui, non, pas de café, malheureusement. Par contre, ça pourrait être une alternative, mais non. Une alternative, okay, c'est bien ce que j'ai dit, une alternative. Mais non, aujourd'hui, je vais vous parler d'alcool, comme tu l'as si bien dit, mais surtout du défi 28 jours. C'est quoi ça? Mais là, on vient tout juste d'apprendre que, février a 29 jours, ajoutons un jour à tout ça. Ben, ça pourrait, c'est une technique de marketing, t'appelles ça le défi 28 jours plus 1. Ou encore le 29 février, tu te saoules comme tu t'es jamais saoulé. Tu peux faire ça aussi. Mais bon, qu'est-ce que le défi 28 jours exactement? Bien, c'est pas très, très compliqué. Si vous allez sur le site défi28joursaupluriel.com, vous allez savoir que le défi consiste à ne pas boire d'alcool durant le mois de février. Ne pas boire d'alcool, c'est ce que j'ai entendu. C'est... À ne pas boire d'alcool. Faut que t'écoutes, Mathieu. Excuse-moi. Pour vivre le mois le plus inspirant qui soit, apparemment, et faire partie du mouvement. Bon, bien évidemment, ce défi-là, en théorie, aujourd'hui, va à une fondation qui est la fondation Jean Lapointe. Et donc, ça vous coûte un don minimum de 28 $ parce que ça va avec le nombre de journées. Donc, c'est 1 $ par jour. Et de profiter de nombreux avantages qui vous seront offerts avec tout ça parce que vous pouvez aller rencontrer des gens qui font le défi eux-mêmes, des personnalités connues, blablabla, blablabla. Mais moi, je vous le lance comme ça, même si vous participez pas avec un don nécessairement, lancez-vous le défi. parce qu'il y a une section du site Internet qui est très, très, très intéressante. Et je vous mets au défi, chacun de vous qui écoutez présentement, d'aller faire ce petit test. Et c'est pas très, très compliqué. Quand vous arrivez sur le site Internet, vous allez dans la section « Restez sobre, c'est payant ». Ah, OK, oui. C'est comme arrêter de fumer, ça te sauve de l'argent. Eh bien, en fait, ça calcule votre budget. Okay. Donc, on le répète, le défi en tant que tel, c'est de rester sobre pendant 28 jours. Mais là, on vous fait calculer combien ça vous coûte de consommation d'alcool par semaine et vous saurez combien vous économiserez en restant sobre pendant 28 jours. Ça, c'est un mois, là. 28 jours, c'est juste un mois. Oui. J'ai fait le test hier. Avec les vrais chiffres? Ah, j'ai hâte de savoir parce que... Avec les vrais chiffres. J'ai un petit peu ri de Tania quand elle m'a dit le sujet de sa chronique. J'ai dit, Tania? C'est ça, Tania, ça va être difficile. Alors que moi, je disais que j'ai sûrement fait ce défi-là, genre un bon 5-6 fois à chaque année. Boire pendant un mois au complet. Est-ce que tu as toujours été comme ça ou plus jeune? Toujours été comme ça. Ouais. Tu sais, je bois, mais vraiment socialement, tout ça, c'est bien rare. Non, moi avec, là, c'est rare. C'est ça. Je vais pas boire tout seul dans ma chambre. Je bois pas à outrance non plus quand je sors. Ouais, non, c'est ça. Bien, tout ça pour dire que en fait, si j'ai fait mes bons calculs, parce qu'en fait, ça ne dit pas nécessairement... Vous allez voir, vous avez une bouteille de bière, vous avez une coupe de vin, vous avez une coupe de cocktail et des shooters. Oui. Mais ça ne calcule pas nécessairement. Est-ce que c'est une bouteille de vin ou c'est une coupe de vin? Ah, est-ce que c'est un cocktail ou bien c'est la bouteille de cocktail? Et est-ce que c'est un verre de fort ou c'est un shooter de fort? Oui. Ça ne dit pas vraiment comment on le calcule. Ça doit être par portion. J'ai comme l'impression que c'est par portion parce que vraiment, on voit la coupe de vin, la coupe de cocktail et des shooters empilés. Donc, j'imagine qu'on calcule... Oui, même chose pour la bouteille de bière. J'imagine qu'on calcule vraiment en bouteille. J'imagine aussi qu'on y va avec ce que tu vas payer dans un bar. C'est pas une coupe de vin, ça va pas calculer la coupe de vin versus le prix d'une bouteille à 10$ que t'as acheté à SQ en gang. C'est ça. J'ai comme l'impression que ça calcule selon vraiment ce que vous consommez dans les bars versus, comme tu dis, le prix dans les bars. Donc, exemple, on prend... Là, je me souviens quand même des... Est-ce que c'est pas une semaine type récente ou... Une semaine type récente, mon Dieu, non, pas vraiment. OK. J'ai pas goût. j'ai vraiment pas beaucoup la de... Vegas, là, pas non, la non, non, c'est ça. J'ai vraiment beaucoup de difficultés avec ma souris d'ordinateur. Ah, pas encore. Oui, mais c'est pas grave. On va essayer d'y arriver. On va mettre exemple quelqu'un de notre âge, là, dans la vingtaine, à l'université, ici, va à la chasse-galerie les mercredis soirs où la bière est 1,50. Calculons en théorie qui prend 4 bières par semaine. Oui. Par semaine. Est-ce qu'il prend du vin? Ouais, dans un bar, c'est rare. C'est rare qu'on va prendre du vin. Par contre, ça calcule sur votre consommation d'une semaine. Donc, est-ce que chez vous, tu bois du vin? Peut-être, oui. Peut-être, mettons, je sais pas, tu te gardes peut-être 2 jours, mettons. Deux coupes de vin. Par semaine, ouais, mettons. OK. Peut-être. Cocktail? Moi, oui. Ah ouais? Moi, je serais plus... Toi, t'es genre cocktail? Je suis genre drink de fille, moi. OK. On en met combien par semaine? Je sais pas. Moi, j'essaierais d'être conservateur. Peut-être un autre 2. Un 2? Et est-ce qu'on boit des shooters de fort? Il y a peut-être une journée dans la semaine où tu te clenches des shooters, hein, je pense. Ouais, mettons. Combien, mettons? Mettons 4. 4. OK. Donc là, je vous rappelle, on a 4 bières, 2 coupes de vin, 2 cocktails et 4 shooters de fort. Moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup, là, tu sais. Pour moi, relativement parlant, c'est vraiment beaucoup. Honnêtement, parce que tu bois pas comme ça toutes les semaines, là, nécessairement. Sauf que ça calcule sur un mois. Ouais. Est-ce qu'une semaine, tu vas t'enclencher ça, puis l'autre semaine, tu bois pas pantoute? Peut-être. Il y a ce côté-là, par exemple, qui calcule pas nécessairement, mais il vous le calcule si vous buvez comme ça toutes les semaines. Eh bien, sachez que ça équivaut à 13 poutines. ce qui équivaut à 9744 calories par mois. Wow! Ça équivaut à 1,9 billets pour un match des Canadiens. Donc, ton cher, lui, hein? Oui. Ce qui fait un total de 280$ par mois. Wow! Ça, c'est juste en boisson, là. Ça, c'est t'as juste pas en mangé boisson. Rien. T'as pas mangé, t'as pas payé ton entrée avec ça. Aïe! Ça, parce que bien évidemment, on sait, si tu sors en temps normal, tu vas y avoir le cover qui va être comme de 4,75. Mais c'est un vice quand même coûteux. C'est vraiment ma section. La cigarette ou la drogue, non, je suis d'accord. Mais c'est vraiment ma section préférée du site Internet parce que ça vous fait... C'est là que vous prenez vraiment conscience de où pourrait peut-être se diriger votre décision d'aller vers le défi ou non. Ouais, puis tu sais, pas juste le défi, le reste de ton année peut-être te calmer un peu. Ben c'est ça. Parce que ça coûte cher. Tu pourrais t'acheter pas mal d'affaires avec cet argent. Avec 280 beaux petits dollars de plus par mois dans mes poches. Hey! C'est un peu moins cher. Change de ton, crois-moi. Eh bien, sachez que le défi existe depuis 2013. C'est quoi qui a lancé ce défi-là? En fait, c'est tout simple. C'est deux jeunes hommes qui étaient dans la business qui ont décidé de passer un mois sans boire. Mm-hmm. Et après la première année, ils ont décidé en fait d'en faire une bonne cause et de s'associer à la Fondation Jean Lapointe. Qu'est-ce que la Fondation Jean Lapointe? Je vais y aller vraiment brièvement. Je vais pas trop faire de name dropping ou quoi que ce soit, mais c'est une fondation qui vient en aide aux jeunes en milieu scolaire sur la consommation d'alcool et de drogue. Il y a 17% des jeunes âgés entre 15 et 17 ans. Là, on s'entend, entre 15 et 17 ans, t'as pas terminé le secondaire encore. Qui ont des problèmes d'alcool ou de consommation de drogue. Entre 15 et 17 ans, c'est immense, 17%, simplement au Québec, là. Ça, c'est juste au Québec. Et en fait, avec les dons que vous faites pendant le défi ou avant que vous participiez au défi, vous faites parrainer du monde vous-même si jamais vous ne voulez pas le faire, mais vous voulez vraiment donner. Vous pouvez faire un don tout simplement aussi. En fait, avec cet argent-là, qu'est-ce que l'on fait? C'est qu'on fait des ateliers gratuits pour ces jeunes-là. Et sachez qu'il y a plus, si je me souviens bien, il y a plus de 215 000 jeunes du secondaire en 2014 qui ont suivi cet atelier-là de sensibilisation à l'alcool et à la drogue qui est tout à fait gratuit pour eux. Mmh. Donc, c'est quand même bien. C'est là qu'on voit que, oui, c'est pour une bonne cause de passer 28 jours dans son lit. Est-ce que tu vas avoir de la misère à tenir? Je vais t'avouer, honnêtement, j'ai posté le défi hier sur Internet en écrivant que l'année dernière, j'avais décidé de participer avec une de mes amies, mais on a pris ça comme un peu à la légère. On se l'est plus lancé en TPA Game. Ouais. Et 4 jours après s'être lancé le défi, on était assises au bar et on buvait une bière. Ben voyons, donc prenez une eau Perrier. Non, mais c'était pathétique, là, on doit le dire. Un peu. Donc cette année, j'ai vraiment décidé de le faire de façon plus responsable, de le faire plus conscientisé aussi. C'est pour une bonne cause, c'est pour les jeunes. Alors pourquoi pas le faire dans son entièreté, là, au complet, 28 jours. Force-toi. Je pense que cette année, ça va aller beaucoup mieux, je dois avouer. on va se tenir loin de la chasse-galerie, mais ça va bien aller. Tu peux aller à la chasse-galerie puis boire d'autres choses que l'alcool, puis avoir du fun pareil. Je vais vous arriver tout à l'heure avec des idées, vous allez voir, c'est quand même assez facile de faire une différence aussi. Sachez qu'en 2013, le Québec avait des jeunes qui équivalait à 83 % de sa population qui consommait de l'alcool de façon intensive. Et en moyenne, au Canada, c'était 76 %. Simplement, la population du Québec était plus élevée que toute la moyenne du Canada en consommation d'alcool entre ces jeunes âgés entre 15 et 25 ans. Juste entre 15 et 25 ans, là, c'est vraiment beaucoup. Et qui connaît pas quelqu'un qui a déjà bu une bière de trop, qui s'est dit « Ben non, je suis bien correct pour conduire de toute façon. Inquiète-toi pas, ça va bien aller, blablabla. Je suis bien correct, j'ai juste bu deux bières ou peu importe. » Qui a pris la voiture et qui n'aurait pas nécessairement dû prendre sa voiture. Eh bien, sachez que les accidents de la route au Québec, ça équivaut à 160 décès par année approximativement. Et en 2013, il y avait 41% de ces décès-là de la route qui était dû à l'alcool. Et là, dans ces gens-là, malheureusement, qui étaient décédés, lorsqu'on a fait des tests, eh bien, on s'est rendu compte que la plupart de ces victimes-là, donc les 41% avaient un taux d'alcool qui dépassait non seulement le 0,8, mais qui se situait à 0,15. Ew. Okay. C'est comme si c'est quasiment le double de ce que tu peux normalement. Donc, tu sais, oui, c'est correct de sortir, de décider d'aller prendre un verre avec vos amis, mais lorsque vous voyez que votre limite est atteinte ou lorsque vous pensez que peut-être que vous ne devriez pas prendre le volant, faites-le donc pas, tout simplement. Il y a une étude qui a été réalisée par le INSPQ, qui est l'Institut de la santé publique du Québec, qui est arrivé à comprendre, en fait, que la consommation d'alcool excessive était chez les jeunes diplômés. OK. Pourquoi? Moi? Parce que le stress lié au changement radical entre la, la vie d'école et la vie de travail est un stress immense pour ces jeunes-là. Et on est aussi dans les années où on va être plus sociable. On va vouloir être plus près de nos amis qui sont, exemple, dans notre même cohorte que nous à l'université. On va sortir, on va être associés beaucoup avec nos associations. Même chose pour les équipes sportives. Il y a eu cette même étude, en fait, dit que les équipes sportives universitaires sont ceux qui, en théorie, consommeraient encore plus d'alcool. Parce que t'es une équipe. On dit toujours que vous devez vous tenir. Et là, lorsque vous arrivez, exemple, dans un bar, eh bien, clairement, vous vous tenez. Parce que c'est comme ça que ça devient... C'est l'entraînement. Accessible. Oui, c'est ça. Ça a toujours été comme ça. Les gens sont facilement influençables, un peu, aussi. Non, c'est vrai. T'es tout à fait d'accord. Mais est-ce que ça s'améliore? Tu sais, je veux dire, toutes ces consommations d'alcool-là, je vous ai dépeint quelques statistiques depuis 2013, accidents de la route ou les jeunes au secondaire, puis tout ça. Mais est-ce que ça s'améliore? Est-ce qu'on voit une différence avec le temps, avec justement la Fondation Jean Lapointe qui fait de la prévention presque dans les écoles secondaires? Eh bien, sachez que oui. Ah oui, wow! Ouais. Okay. Ça s'améliore au Québec. Il y a une nette amélioration. En fait, le volume d'alcool par habitant est au plus bas depuis une décennie présentement. Ah, wow! Oui, en 2015. Il y a tellement de spéciaux puis des rabais que ben, je disais oui, que ça allait. Mais il y a aussi qu'en 2015, la moyenne canadienne pour une fois est plus élevée en taux d'alcool que le Québec. Ah, oh, wow! Tout à l'heure, je disais que la province du Québec est une plus grande consommation que le reste du Canada. Eh bien, en 2015, c'est la seule année où on a vu que la moyenne du Canada consommait plus que le Québec. Ouais. Mais tu vois, moi, je me demande si c'est pas une question de, entre autres, à l'université ici. Moi, tu sais, je suis un petit peu biaisé parce que c'est mon environnement. Mm-hmm. Mais ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de spéciales vraiment, vraiment, vraiment pas chères. Est-ce que ça contribue pas au fait que les étudiants sont tous. Ben oui, bien évidemment. Mais sur le chemin de l'alcoolisme. Il y a aussi ce fait que tu dis. On est sur le campus étudiant. Ce sont des étudiants. Tu as un budget d'étudiant. Ouais. Donc, si tu rentres dans un bar étudiant, bien évidemment, s'ils vont te faire payer ta bière 6$, tu ne vas pas venir à toutes les semaines. C'est vrai. Par contre, comme exemple ici à la Chasse-Galerie, on vous offre le mercredi de la bière à 1,50$. Mm-hmm. Les verres de bière en fût. Ouais. C'est sûr que ça rentre pas mal plus dans ton budget d'en boire 6 ce soir-là que c'est d'en ça. Boire 6 à 6$. On se pose pas de questions. C'est sûr que le défi 28 jours à la Chasse-Galerie, il marchera pas fort. Ça fonctionnera pas fort, d'après moi, non. Mais on devrait peut-être lancer le défi à certains des gens qui y vont à toutes les semaines. Peut-être. Ou encore donner le défi à la Chasse-Galerie de un drink à 28 cents. Oh, peut-être. Peut-être qu'il s'agit de crème soda et de grenadine. Ah, c'est bon ça, j'aime ça. Mais tu vois, que moi, je trouve, c'est que il y a toujours de ces jeunes-là, par exemple, qui vont, eux, conduire, qui vont être les responsables, qui vont sortir pour être avec leurs amis, mais que nécessairement, ils vont pas décider de partir sur la brosse ou qui vont pas consommer de l'alcool. Moi, j'ai des amis qui consomment pas d'alcool sur une durée X, là, ils consomment jamais d'alcool. Pourquoi est-ce que ces gens-là, on leur donnerait pas un rabais? Ils viennent dans ton bar, pareil. Tu veux dire un rabais sur... Sa bouteille d'eau. Ouais, non, c'est vrai, ça, oui. Sur son thé glacé. Tout à fait. Il veut un Coke, donne-y c'est son Coke. C'est le conducteur désigné, oui, ouais. C'est ça, t'as raison. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est rare, c'est très rare que dans les bars, on va voir quelque chose comme ça arriver. Puis bien souvent, quand quelqu'un va se faire dire « Hey, tu veux-tu quelque chose à boire? Non, c'est beau, je conduis. Arc, t'es bien plate. » Ouais, c'est ça. Mais c'est ça que je disais, l'influence, mauvaise influence des gens. Ah non, mais est-ce que t'as aucune raison d'être obligé de boire. C'est ça. Ben vas-y, toi, pète-toi la face, puis moi, je vais pouvoir te ramener. Tu sais, comme calcule tes affaires en fonction de ce que tu veux dans la vie. Hein? Arc, cette vie-là, sérieux. Et ouais. C'est ça. C'est la vie de bar, là. Mais c'est pourquoi on décèle aussi que la consommation d'alcool est excessive beaucoup plus chez les jeunes que chez les adultes. C'est sûr que malheureusement, après une consommation excessive d'alcool, ça peut tomber dans l'alcoolisme. Simplement, à travers le monde, là, pas juste au Québec, il y a 5 % des adultes au monde qui sont diagnostiqués avec alcoolisme. Mmh. Ça équivaut à plus de 240 millions de personnes. Wow! Tu sais, oui, OK, on est comme 7 milliards maintenant sur la planète, mais 240 millions de personnes qui se disent alcoolées, c'est beaucoup. Ouais, c'est triste. C'est très triste. Mmh. Et tout ça a commencé, bien évidemment, justement à l'âge où que je dis que la consommation d'alcool est excessive. Mais par contre, cette étude-là décèle aussi qu'il y a une nette amélioration lorsque les gens sont rendus à la maîtrise. Ah! Donc, on devient plus sage. On fait le bac. Lorsqu'on vieillit, lorsqu'on change notre aire d'études, ça change. On devient plus responsable. C'est simplement que c'est les âges dans lesquels on découvre beaucoup de choses. Ouais. On essaie de se découvrir. On essaye beaucoup nos limites, surtout. On teste beaucoup nos limites dans ces âges-là. Donc, c'est pourquoi aussi on voit qu'il y a une consommation d'alcool qui est plus excessive. Mais je vous lance le défi. Faites le défi 28 jours. Par contre, tout à l'heure, je vous disais, t'arrives au bar, t'es avec tes amis, tu fais le défi. Là, t'as le goût de boire quelque chose. Tu veux pas nécessairement boire un thé glacé ou une bouteille d'eau. Qu'est-ce que vous buvez? Tu sais, y a-tu des drinks qui sont pas pires? Eh bien, sachez que oui! Oui! Si jamais vous voulez tout simplement faire croire aux gens autour de vous que vous buvez de l'alcool présentement, eh bien, sachez que vous pouvez imiter le gin tonic avec du club soda et lime. Miam! Donc, c'est sûr que ça goûte pas grand-chose. Non, c'est club soda, c'est flat pas mal. Ouais, c'est ça, c'est du club soda. Par contre, ça ressemble extrêmement à un gin tonic ou à un vodka soda avec lime. Est-ce que tu agisses comme si t'étais un petit peu sous l'influence pour... Je crois pas que tu peux... Tu sais, je crois pas. Toi, je t'aime bien. Mais tu sais, si vous voyez que vous avez une bouteille d'eau... Tu sais, en tout cas, je dis pas que les gens vont vous juger de toute façon, là, parce que je pense que c'est... Probablement sacré vous en. Ben, c'est ça. Premièrement, on s'en fout. C'est vraiment pas quelque chose d'important. Hein? Deuxièmement, c'est beaucoup plus à votre goût. Si vous aimez ça, les drinks qui goûtent pas grand-chose, ben allez-y. C'est surtout que, contrairement à un thé glacé, c'est beaucoup moins sucré. Oui, donc, ben vous oui. avez beaucoup plus de chances de filer mieux le lendemain matin. Pareil, c'est ça. On y pense comme ça là, aussi. T'sais, c'est bien beau arrêter l'alcool, mais il faut savoir que le jus, au nombre de sucre qu'il y a là-dedans, vous allez peut-être pas dormir non plus. Donc, le club soda, lime, moi, je trouve que c'est une bonne idée. Une bonne limonade avec une petite cerise, là. Ben, j'arrive au Shirley Temple. Oh, c'est quoi ça? Le classique. Tu connais pas Shirley Temple? Je sais c'est qui l'actrice, mais c'est quoi le drink? OK. Mais en fait, ce drink-là a été créé pour l'actrice qui, pendant certains tournages, elle pouvait pas boire l'alcool. Ouais. Donc, on lui a créé un drink qui, dans le temps, consistait de ginger ale. OK. Mais maintenant, c'est beaucoup plus du 7-Up qu'on va voir. Ah. Avec un petit splouche de grenadine et bien évidemment une cerise. C'est parfait, ça, mais je préfère la version ginger ale, par contre. Ouais, ça se voit beaucoup moins souvent ces temps-ci. C'est bon, on maudit. Ça, c'est du Canada Dry. Oui, Canada Dry, ginger ale, pas mal la même affaire. Pas mal la même affaire, ouais. C'est du ginger ale, le Canada Dry. T'as raison. Ouais, c'est ça, je pense. Bien dit. Il y a aussi le Roy Rogers. Qu'est-ce que le Roy Rogers? Ça a aussi été créé pour un acteur qui ne pouvait pas consommer d'alcool sur les tournages. C'est une deuxième version de Shirley Temple, en fait, mais avec du coke. OK. Donc, c'est la même chose, mais à la place, on met du coke, de la grenadine et une cerise. Ce qui a l'air de vous faire comme une espèce de whisky coke. Ah, OK. Et si vous voulez, vous pouvez ne pas faire mettre de la grenadine et faire mettre un autre... un coke cerise, finalement. Ouais, c'est ça, un coke cerise. Allez-y pour ça. Casse pas ta tête, un coke cerise. Ben oui, hein, quand même. Il y a aussi les Virgin César. Oui. Donc, si jamais ça vous tente... Ouais, raconte le Bloody Caesar sans l'alcool, tu mets quoi? Ben, tu mets tout sauf la tequila ou l'avocat. Simple de main. Jus de légumes, vous faites la même chose, mais vous mettez pas l'once ou le 2 onces d'alcool que vous mettez en temps habituel. Il y a le Arnold Palmer, que ça, je dois avouer, ça a l'air bon. C'est moitié limonade, moitié thé glacé. Wow, un half and half. Ouais, et ouais. En fait, vous avez l'air de boire, comment ils décrivaient ça sur le site internet, c'est que vous avez l'air de boire un Long Island Iced Tea. OK. Mm-hmm. Et il y a aussi les Virgin Mojito. OK. C'est la même chose un petit peu que le premier que je vous ai présenté, c'est qui était le soda lime. Mais là, on va y aller avec soda, menthe. Vous pouvez vous-même ajouter un petit peu de zeste de lime ou de jus de lime, presser votre lime. Moi, je pense que Virgin Mojito, ça doit être assez bon, merci. Vraiment? Ben, tout ça a l'air super bon. La menthe. T'as pas besoin de l'alcool là-dedans. Non, c'est ça, exactement. Donc, ça, c'est des alternatives si jamais vous vous dites, moi, je pense que je fais le défi 28 jours. Ben, vous pouvez arriver au bar et le commander. C'est simple. Puis, j'ai une bonne idée que le gars derrière le bar va trouver ça quand même cool que vous décidiez de... OK. De changer votre drink. C'est ça ton but, là, t'as impressionné le gars au bar. Non, pas vraiment. Ça, c'est... En tout cas. Moi, c'est ça. Si par contre, vous étiez du genre à boire des shooters, ben là, je suis désolée, là, faites-vous des shooters d'eau, là, c'est... Ben, c'est des shooters de scope ou genre... De scope? Ben oui, rien de moins. Ben oui. De coke, juste de coke. Oui. Allez-y avec des shooters de coke. Miam. Mais faites attention à votre consommation de sucre. C'est ce que je disais tout à l'heure. Oui. Sirop pour la toux. Shooter. Sirop pour la toux. C'est un petit kick. Petit kick dans la gorge. Ça doit pas être super bon. Ça doit pas. Si jamais ça vous intéresse de participer au défi 28 jours, qui est sans alcool, bien évidemment, et que vous voulez le faire de façon à faire un don à la Fondation, bien, sachez que leur objectif est de 200 000 $ Et là, j'essaye encore une fois avec ma super souris de me rendre où je veux sur mon ordinateur. Et que présentement, on est à ce jour... Ça calcule à 91 714 $ La moitié. Ça vient de commencer. On mais est en théorie, ouais, en théorie, ça commence aujourd'hui. Donc, si jamais vous voulez. Et je disais aussi tout à l'heure que vous avez l'option de parrainer quelqu'un ou de simplement faire un don. Allez faire un tour sur le site. Vous allez voir, c'est super simple. Et ça vous engage à rien, en fait. Comme je dois avouer que je participe, mais je participe pas de façon à payer. Okay. Je vais faire un don à la fin si je réussis à faire le défi au courant complet. J'espère que tu vas réussir, Tania. Un peu de volonté, là. Ben oui, j'ai de la volonté. Je dois avouer que j'ai de la volonté. Je le fais avec plusieurs de mes amis aussi. Ma mère a décidé de le faire avec moi. Oh. Ma cousine a décidé de le faire avec moi. Ma meilleure amie a décidé de le faire avec moi. Donc, on devrait se tenir. On devrait se tenir de façon assez serrée et tes soirées, boire du café. Tes soirées jeux de société, c'est ça, vont devoir changer un peu. Hein? On va laisser la bouteille de vin de côté. Je suis un peu sous, t'es un peu moins le fun quand t'as de l'alcool. Hein? Mais, c'est ça. Mais bon. En tout cas. Mais tu remarqueras que dans le parrainage, il y a rien. Hein? Fait que ça va faire du bien à ton rein. Oui, ben ça va surtout faire du bien au fait que j'ai plus de vésicule biliaire. C'est ça. C'est le foie hein, qui va avec l'alcool, pas le rein. Bon. Oui, c'est ça. Ouais, c'est le foie surtout. Non, non. Mais Mathieu, toi, de toute façon, participer à ça, ça... Ça me donnerait absolument rien. Ça te donnerait absolument rien. C'est pas trop compliqué. Je t'encourager financièrement. Moi, c'est ça. Non, pour vrai, parce que sinon, moi, c'est ça. Moi, j'ai même pas la compréhension de comment ça peut être difficile pour quelqu'un de faire ce défi-là. J'ai même pas ça dans ma tête, ça. Ouais. Mais je vais te regarder faire, puis je vais voir ta difficulté que t'as. Puis je vais peut-être comprendre un jour c'est quoi la difficulté que les peut-être, gens peut-être. Ouais. Je suis pas de même, ça. Mais bon. Ouais. C'est un beau défi, allez-y, allez faire un tour. Et surtout, allez calculer combien ça vous revient par mois. Oui. Faites le petit test, là. Ça prend 3 minutes et demie, même pas 3 secondes et demie. C'est vrai. On l'a fait super rapidement, puis vous allez voir combien ça vous donne en calories et en argent, en budget. Par mois, je suis sûr, 100% sûr que mon budget, c'est pas en haut de 20$, d'accord? Par mois. Ouais. Jamais. Mais c'est parce que tu sors pas non plus. Ben, je sors. Mais je bois pas tout le temps. Non, c'est ça. C'est ça. Mais du moment que tu sors, automatiquement, tu te sors un vin. Ouais. Je parle pas de l'alcool, là, je parle de l'argent pour payer l'entrée, le code check qu'on appelle. J'avoue que peut-être que, mettons, si on compte là-dedans le Baileys, oui. Peut-être que ça monte le budget. Oh, oh. Il y a de l'alcool là-dedans. Oui, il y a de l'alcool. Il y a de l'alcool dans le Baileys. J'ai pas pensé à ça. Bref, qu'est-ce que je vais faire pour remplacer le Baileys d'abord? Hein? Bois du lait. Yark. Avec du sirop de caramel. OK. Tania, pour accompagner ta chronique, t'as pas de choix musical aujourd'hui. J'ai pas de choix musical, malheureusement, parce que je dois vous avouer que c'est assez difficile de trouver une... Ben, c'est ouais, pas c'est très... Ça. Ouais, je t'en ai trouvé une, moi, par exemple. Oui, OK. On écoute Star Sailor. J'ai aucune idée ce que ça va donner, j'ai pas écouté à l'avance. Voici Alcoholic, tout de suite, sur C'est fou. Don't you know you've got your daddy's eyes. Dédicace, Tania Boone. Daddy was an alcoholic. But your mother kept it all inside, threw it all away. I was looking for another you, and I found another one. I was looking for another you, when I looked round, you were gone. Step by my side, ever pipe, dream is yours now. Step by my side, and the singer won't get enough. you've got your daddy's eyes. Daddy was an alcoholic, but your mother kept it all inside, threw it all away. I was looking for another chance. See your blue-eyed problems. Star Sailor et la pièce Alcoholic à Assemblage Requis. C'était la chronique de Tania. It's gonna entertain ya. Oui, je vais vous mettre le lien pour le défi sur la page d'Assemblage Requis. Génial, sur Facebook. Merci, Tania. Fait plaisir. Retour de la pause, c'est Samuel Girard et sa chronique sur la politique et l'actualité du chialage. Vous êtes assez fait, assez fait, assez fait, assez fait, assez fait. Assemblage Requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage Requis pour toi, aujourd'hui. En ce lundi 1er février 2016, elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oh oui, on entre dans la dernière heure de notre émission. Oui. Si on veut. On ne dit pas vraiment parce qu'en tant que tel, les heures sont au demi, fait que ça n'a comme pas rapport à dire c'est ça. C'est vrai. Alors, bref, peu importe, le gars qu'on accueille là, lui, pourrait parler pendant les heures de sujets qui le passionnent. Hein? Mm-hmm. Voici Samuel Girard qui passe une chiare. Samuel Girard, bonjour à toi. Hey. J'oublie tout le temps le début super long là, de cette chanson-là. Wow, que ça part. Mais c'est ça qui est bien. Ça c'est une chanson bon. Qui ouvre l'album. C'est faut excellent. Que ça parte tranquillement. Tout à fait. C'est une bonne introduction pour ta chronique. Oui. On parle. En fait, je sais qu'on parle du Québec, on parle d'argent aujourd'hui. Oui. Un peu comme Tania nous a parlé d'argent qu'on allait économiser en ne buvant pas. Mm-hmm. Ben c'est ça, j'aimerais ça parler aussi d'économie moi c'est à ça. Matin. Tant qu'à faire. C'est pas ça, c'est le même genre d'économie par exemple? Non, c'est non, effectivement, c'est pas. Quoique peut-être que le Québec est un peu sous économiquement. Fait que on peut faire des liens comme ça un peu douteux à matin. Des parallèles comme on aime. Oui, c'est ça, exactement. Douteux. Mais le défi 28 jours, c'est vraiment une bonne idée. Ouais, c'est fun. Ouais. J'aimerais bien ça le faire, mais je suis un peu comme toi, Mathieu. Je m'en sors peut-être avec. Peut-être avec un 20-30$ d'alcool par mois. Ouais. Donc, je me dis, pour moi, c'est trop facile de faire un défi comme ça. Tout à donc, fait. À la place, je vais soutenir les gens qui ont un vrai problème d'alcool qui décident de faire le défi. Ouais. On peut participer financièrement, on a le droit. On a le droit. Bref. J'ai bien aimé la face que t'allais me faire quand j'ai dit ça. Tu sais que c'est des blagues. Ben oui. All right. Yeah. Ouais. Hey, en passant, votre thème d'émission, il bosse vraiment quand je suis encore en train de dormir. Là. Ah. Excuse-moi, t'as une journée sur cinq où tu tombes sur un thème buzzant électronique. Ah, ben, en tout cas, s'il revient pas chaque lundi, peut-être que je vais être correct pendant au moins un mois avant de... Il est en roulement. C'est bon. T'as la version émission pour enfants, la version buzzée, la version acoustique live. T'as plein de sortes de versions. C'est très bien. Et une version où c'est Tania et moi qui chante. Oui, ça, je l'ai bien entendu. Celle-là, on n'est pas obligé de l'entendre, bébé, sur la table. Une fois aux cinq émissions. C'est ça. Ouh. Non, ça, donc, à matin, je vais vous parler du revenu disponible des Québécois. OK. OK, très simple, c'est que de la manière que ça fonctionne, c'est qu'on fait un salaire. Oui. Mm-hmm. Après ça, on a le gouvernement qui vient piger dans nos poches. Oui. Ça, c'est correct. Oui, oui. Après ça, on a le gouvernement qui vient voler dans nos poches. Ça, c'est pas correct. Okay. Et après ça, on a qu'est-ce qu'on a de revenus de disponibles. Mm-hmm. Okay? Pas grand-chose, finalement. Pas grand-chose. Mais à votre avis, sur toutes les provinces et territoires du Canada, où est-ce qu'on se situe au niveau du revenu disponible? J'ai l'impression qu'on est parmi ceux qui sont le moins coupés. Ouais. Peut-être. Ouais. Mettons. Le moins... Tu veux dire le moins coupé, donc on a de parmi les meilleurs revenus disponibles? En termes de pourcentage, j'imagine. Parce que est-ce que c'est par rapport au genre. C'est par rapport au montant. Au montant, ben là. Ouais, combien qui nous reste dans nos poches en moyenne? Nos salaires peuvent être plus bas, fait que ça vient défaire un petit peu la question. C'est ça. J'ai qu'on est au milieu. Au milieu, toi, Tania? Ouais. Milieu vers le bas. Qui tend vers le bas? OK, on est dernier. Oh boy, OK. OK, ouais. On est vraiment dans le bas complètement, là. Oups. OK, même le territoire du Yukon, OK, sont parmi les meilleurs au Canada. Mm-hmm. Ça vous donne une idée, là, de comment que... Puis au Yukon, il se passe pas grand-chose économiquement, me semble. En tout cas. Qu'il y en a... Mais ouais, ça dépend. Ça. Ils ont sûrement des ressources naturelles. Ouais. Ben, sûrement. Mais c'est parce qu'on en a plein aussi au Québec. Ouais. On est une des provinces les plus riches en matière, en termes de ressources naturelles. Ouais. Donc, en tout cas, j'ai un peu de ça. Donc, la moyenne canadienne, c'est 30 270 de revenus de disponibles. OK. OK. Et au Québec, on est à 26 046 de disponibles. En moyenne. En moyenne. Donc, c'est 4 200 de moins par rapport à la moyenne canadienne. Mmh. Imaginez qu'est-ce que les gens feraient avec en moyenne 4 200 $ de plus dans leur poche. Ah, je peux imaginer plein de choses. C'est non négligeable. Ouais. Okay? Surtout dans un point de vue où l'argent disponible, c'est ce qui fait rouler l'économie d'une province. Oui, parce qu'après ça, tu la dépenses sur quelque chose. Exactement. Ouais. Hein? C'est pas tout le monde qui garde ça dans leur poche ou dans leur compte à placer. L'économie, oui. Puis même encore, là, quand c'est placé, c'est parce que c'est placé dans une entreprise qui fait quelque chose avec, il y a un rendement sur ton argent et toi, ça te revient. Ouais. Donc, peu importe, ça fait rouler l'économie. Qu'est-ce qui se passe un peu au Québec? C'est un peu étrange parce qu'on est dernier en termes de revenus disponibles, mais on est parmi les meilleurs en termes d'argent donné par le gouvernement. Je parle ici de l'aide sociale, prestations d'assurance-emploi, rente de retraite, crédit d'impôt remboursable, et ainsi de suite. OK? Donc, on est parmi les meilleurs et c'est cet argent-là que le gouvernement nous redonne compte dans le revenu disponible. Okay. Donc, tu as ton salaire, exemple, et en plus, mettons, le gouvernement te donne de l'argent parce que tu as une grande famille. Mmh. Tu es rendu à 3-4 enfants. Ouais. Le gouvernement, ils ont des programmes pour inciter les gens à avoir des enfants. Ils te donnent de l'argent. Mmh. Cet argent-là qu'ils te donnent compte dans ton revenu disponible. Okay. Et on est parmi les plus généreux au Canada pour ce programme-là. Le chiffre, c'est en moyenne 1147 $ de transferts gouvernementaux donnés aux gens. Et malgré ce montant-là, qui est énorme comparé aux autres provinces, on est quand même dans les pires. Ça veut dire que si le gouvernement était déjà à la base moins généreux, donc s'il se ramenait un peu au niveau de la moyenne canadienne, on serait encore plus beau dans le classement. Pour vous donner une idée, là. Et on est en compagnie de provinces qui ont une économie basée sur une chose, dont entre autres les maritimes, que c'est beaucoup la pêche. Oui, le poisson. Ouais. C'est ça. Pourtant, au Québec, on a le nord, on a l'hydroélectricité, on a de l'hydrocarbure, on a des entreprises d'installer. Je veux dire, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui se passe? WTF. Mm-hmm. Ouais, c'est ça. Oui. On veut savoir. Exactement. Mais en fait, il n'y a pas de réponse. Mm-hmm. Tu te poses la question comment? Il faut que tu analyses le modèle québécois dans son ensemble. Donc, le gouvernement nous taxe et nous impose déjà beaucoup. Ouais. Après ça, on vient nous rajouter des taxes sur l'essence, des taxes sur ci, taxes vertes, et ainsi de suite. On grimpe encore ça. On rajoute des taxes bizarres à la restauration, toutes sortes d'affaires. En plus de ça, ben le gouvernement, il y a des taxes sur les produits de consommation. Donc, en plus qu'on n'arrive pas à consommer beaucoup parce qu'on a moins de revenus, mais on a aussi des taxes très élevées sur les produits de consommation. Ouais, est-ce que tu penses que ça va arriver comme aux États-Unis, les taxes sur les boissons gazeuses, tout ça, genre? Éventuellement, on n'a pas encore ça. Ben, ça a commencé, oui, un peu. Ça a commencé un peu, OK, chef. Ben, il me semble qu'il y a déjà des mesures qui ont été mises en place pour inciter les gens à moins prendre de boissons gazeuses. Ouais. Mais en tout cas, là, c'est parce qu'après ça, les gens boivent moins de boissons gazeuses. Après ça, on va commencer à se battre contre les jus qui ont un trop gros taux de sucre. Ouais. Après ça, on va se battre contre les bouteilles d'eau embouteillées. Ouais. Puis ça arrête jamais. Mm. Personne... Écoute, ceux qui aiment ça se battre contre ces affaires-là sont jamais contents. Fait que je me dis qu'à un moment donné, regarde, laissez donc les gens acheter qu'est-ce qu'ils veulent. Puis je veux dire, à un moment donné, c'est parce que ça nous coûte trop cher à tout mettre ces mesures-là en place. Puis l'impact, au final, on l'a pas vraiment. La seule affaire que j'ai contre ce que tu as dit, là, c'est les bouteilles d'eau de plastique. Où là, je suis vraiment contre l'idée des bouteilles d'eau de plastique. Ben, en fait, c'est de la manière que les gens utilisent les bouteilles d'eau de plastique. Ouais. Dans mon cas, souvent, quand je me ramasse avec une bouteille d'eau en plastique, là, je la garde 2-3 mois. Oui. Non, ça, c'est sûr. C'est sûr, parce que t'es dans la minorité. Un peu comme l'utilisation des sacs de plastique qui sont chargés 5 cents. Moi, en tant que tel, j'en ai besoin pour Vidal Diaz, mettons. On en a tous besoin pour quelque chose. Dans la minorité, tu sais. Mais encore là, c'est la majorité. Tu penses? Ben oui, parce que je sais pas si t'es au courant de combien coûte un sac de poubelle. Ouais. Par rapport à un sac de plastique, les gens aiment mieux prendre un sac de plastique d'épicerie pour faire leur poubelle. Moi, c'est ce que je fais aussi. Ouais. Ben, c'est ça. C'est ce que beaucoup de monde fait. OK. Et écologiquement, c'est beaucoup plus écologique d'avoir un sac biodégradable d'épicerie que d'acheter les sacs de poubelle. Ouais. Mais là, vu qu'on charge les sacs, les gens se remettent à acheter les sacs de poubelle. Non, je suis resté au sac de plastique quand même. Pour 5 cents, ça vaut pas la peine de se battre. Ouais, c'est ça. Fait que t'arrives à la caisse puis tu y en demandes même si t'as pas besoin? Non, moi, j'en ai toujours besoin. Non, okay, mais il y en a qui font ça... Je les traîne pas avec moi, je suis à pied. Mais il y en a qui font ça, qu'ils vont faire emballer le réussite, parce qu'ils vont demander d'avoir une dizaine de sacs supplémentaires, puis ils vont payer 50 cents. Ouais. C'est ça. Sérieusement, c'est un arnaque, parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais les sacs réutilisables sont plus polluants et plus insalubres que les sacs de plastique. Sauf qu'ils durent beaucoup plus longtemps dans ta maison, mais ça veut pas dire qu'à la fin, quand ils sont finis et que tu les jettes, ils vont quand même polluer. Ben, en fait, ce que j'avais lu là-dessus, c'est que ça prend environ, en moyenne, une cinquantaine de sacs, entre 50 et 100 sacs de plastique d'épicerie pour faire ton sac réutilisable. Okay. La moyenne d'utilisation des sacs réutilisables avant que les gens les brisent ou les perdent est inférieure à 50 utilisations. OK. Donc, en bout de ligne, on se nuit, nous autres même, dans ce mouvement vert-là. Et en plus de ça, les gens ne nettoient pas leurs sacs réutilisables. Non, c'est ça, c'est donc, on est en train de ramener des bactéries, des espèces de virus qu'on n'avait plus normalement, juste parce que les gens mettent leur viande là-dedans, leurs fruits et légumes, des trucs qui coulent. Ça sent tout le temps mauvais. Ça sent tout le temps mauvais. Il y en a en plus que... j'avais vu ça un moment donné. Il y en a qui s'en servent pour vider les litières du chat. Après ça, on vide ça dans la poubelle dehors. Puis là, ils viennent à l'épicerie après. Ça sent. Mais non, je te jure. Je t'accrois pas. J'ai travaillé 7 ans à l'épicerie. Je peux t'en compter plein des histoires de sacs réutilisables. Solution à ça, les sacs de tissu, t'aimes ça, non? Moi, je trouve ça bien, les sacs de tissu. Les sacs de tissu, c'est très bien. Si les gens les nettoient, en fait, même les sacs plus rigides, ça nettoie aussi à la laveuse. Ah, je savais pas. Ben oui, c'est indiqué sur l'étiquette. Je pense qu'on a parlé. Ouais, c'est ça. Sauf que le problème, c'est que pour un emballeur, un sac de dessus, ça se tient pas. Il n'y a pas de fond solide. Oui. Mm-hmm. Donc, à moins que quelqu'un mette un carton dans le fond, souvent, ça emballe très, très mal. Bon point. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Parole d'un emballeur d'expérience. Le sac de plastique, tu es bien de où? Le sac de plastique, beaucoup plus. OK. Ouais, c'est déjà beaucoup mieux. Sinon, c'est quoi ta solution préférée, un sac de papier? Sac de papier, ça coupe ses bords. Donc, à moins qu'il nous embarque à un moment donné, les sacs avec les extrémités repliées un peu pour qu'on se coupe, ça pourrait être bien. Mais personnellement, moi, ma meilleure solution, c'est les sacs de plastique biodégradables, recyclables, et de faire de la sensibilisation pour que les gens les recyclent eux-mêmes. Pour faire des sacs de canettes, litière, les animaux, que ce soit les poubelles, réutilisez-les et après, recyclez-les. Tout à fait. Moi, ce serait ma méthode. Un moment donné, sinon, c'est un cirque incroyable. Et puis là, on est même rendu avec des épiceries qui commencent à les exclure complètement. Oui, il n'y en a plus. En Europe, c'est ça. Faut que tu transportes tes affaires dans tes mains, si t'as pas de sac. C'est ça, exactement. Ce que je trouve complètement ridicule, c'est de prendre l'être humain pour un imbécile. Ouais. Bref, c'est une belle parenthèse. Ben, moi, j'aime ça. Hein, je pense que Alien et moi, les parenthèses, on est fans de ça. Mais ça tombe bien parce que mon sujet est quand même relativement court. Donc, c'est une belle parenthèse. Yes. Bref. On parle de quoi déjà d'argent au Québec? Ouais, c'est ça. Je t'ai rendu avec l'histoire de taxes. Ouais. C'est pour ça qu'on est parti sur les taxes avec les sacs. Ouais. C'est ça. Les affaires vertes. Donc, c'est ça. Donc, en fait, le gouvernement étouffe les Québécois. Et je vous rappelle qu'on est dans un contexte où on se dirige vers une récession. Et la pire chose à faire dans une récession, c'est d'étouffer encore plus ton monde. Donc, le gouvernement libéral actuellement rajoute plein de taxes. Ils font plein de mesures un peu pour restreindre. On dirait qu'on voit surtout des pertes d'emplois. On voit pas beaucoup de gains à l'emploi. Et les gains doivent se faire à l'extérieur du gouvernement parce que sinon, c'est juste une dépense supplémentaire pour le gouvernement. Si tu fais juste engager plus de gens dans l'État, t'es pas plus avancé. Ouais. Parce que tu fais juste rouler de l'argent à l'interne, ce qui est pas créer de la richesse. Et quand tu crées pas de richesse, t'aides pas à rendre tes gens plus riches. On s'entend. Qu'est-ce qui est spécial, c'est que malgré le fait qu'on est dernier comme ça, que ça va vraiment pas bien et qu'on fait le contraire de ce qui est recommandé dans une récession, eh bien, malgré tout, le gouvernement continue d'être généreux, donner des subventions, les gens continuent de quémander. Bref, on vit au-dessus de nos moyens. Comme d'habitude. C'est ça. C'est pas nouveau là, pour les Québécois. Absolument pas. Donc, le monde en général, je me demande. Je me demande si on est les seuls là-dedans. Ben, non, on n'est pas les seuls là-dedans. Puis il y a même d'autres provinces canadiennes qui font les mêmes erreurs. Là. C'est pas dans juste... les Nord-Américains. Ben, ouais, c'est ça. Ouais. Excepté que le problème, c'est que dans les Nord-Américains, ben, même si tu inclus aussi les États américains, ben, on est dans les pires. Ouais. Même si tu inclus l'Amérique du Nord au complet. Mmh. Donc, ça ne s'améliore pas. Et nous, on reste en bas de classement. Ouais. Parce qu'il y a d'autres provinces que ça va moins bien, mais ils réussissent à se maintenir pareil. L'autre côté, encore à ça, c'est exemple des provinces comme l'Alberta, par exemple, vont contribuer jusqu'à 18 milliards à la péréquation canadienne. Et là-dedans, il y a 10 milliards qui s'en vont au Québec. Donc, plus de 55 % de l'argent de la péréquation s'en va au Québec. Et je vous rappelle qu'on est pas mal moins que 55 % de la population au Québec. Donc, on envoie la majorité de l'argent pour une petite fraction de la population canadienne. Ça fait mal. OK? Et on dirait que personne ne se pose de questions là-dessus. On se croit riche au Québec. On se croit bon en économie. On se croit bon au niveau de la gestion de nos ressources naturelles, de nos entreprises. Mais faut accepter d'avoir 10 milliards des autres provinces. Ce que je trouve un peu étrange, ça se contredit. Et là, il commence à y avoir des mouvements dans l'Ouest pour faire changer ça, pour que le Québec ne touche plus de péréquation s'il n'accepte pas de faire des projets conjoints avec les autres provinces. Okay, ouais. Parce qu'actuellement, on veut faire à part, on n'accepte rien des autres provinces et on les empêche même de se développer quand un de leurs projets doit toucher au Québec. Mm. Exemple, le pipeline. C'est ça que j'allais dire, oui. J'approuve pas nécessairement de la façon dont ils veulent faire le pipeline, mais quand même, on est un pays uni. On devrait être au moins capable de jaser avec les gens de l'Ouest et de s'arranger faire un projet qui a de l'allure. Mm. OK? C'est ce que je pense. C'est un exemple parmi tant d'autres. Mais là, c'est parce qu'après ça, on bloque tous leurs projets, mais après ça, on leur dit « Oubliez pas le 10 milliards que vous nous devez, hein? » Ouais. C'est un peu ironique. Faut travailler en équipe. C'est exactement. C'est en plein ça. C'est juste. On l'est pas indépendant. Mm. Donc, faut arrêter d'agir comme si on l'était. Puis, à quelque part, le Québec pourrait bénéficier de beaucoup de choses s'il travaillait un peu plus avec le Canada. Mm. OK? Si à un moment donné, les gens décident vraiment qu'on fait la souveraineté, ben là, regarde, ce sera ça. Oui. Tout simplement. Mais pour l'instant, c'est pas ça. La majorité l'emporte quand même si on n'est pas d'accord, ce sera ça pareil. Ben, démocratiquement, c'est supposé être comme ça. C'est ça. En tout cas, moi, chaque fois qu'il y a quelque chose que je suis pas d'accord, on me dit « Ah, la démocratie a parlé, t'as rien à dire. » Voilà. Hein? Donc, ça marche aussi de l'autre bord. Oui, oui. Ça, je suis d'accord. C'est ça. C'est de toute beauté. Donc, c'est ce que je disais tantôt, un bon exemple qui était ressorti en passant, je sors beaucoup de chiffres qui proviennent du blog de Joanne Marcotte. Okay. S'il y en a qui veulent aller lire, elle fait d'excellents textes. Et j'ai mis aussi une vidéo d'un documentaire, je pense que c'est le documentaire sur la Révolution tranquille qui était fait en 2006. J'ai mis une vidéo sur la page Facebook de Julien Liberté. Ah, cool. Et c'est des gens, justement, qui commentent le modèle québécois. Mmh. Mais disons qu'ils ne sont pas très éloquents dans leurs commentaires. Puis ils nous disent, d'un point de vue économique, pourquoi ils pensent comme ça. Ouais. OK? C'est pas juste de dire « Ouais, c'est n'importe quoi ce modèle-là ». Non, non, c'est appuyé. Il y a des raisons à ça. Donc, c'est quelques bons moments qui ont été condensés en 5 minutes. Je trouve que ça donne un bon aperçu. Puis au pire, ça vous donne le goût peut-être de découvrir c'est quoi ce documentaire-là. Ouais. Sinon, il y a un livre aussi qui était fait pour suivre le documentaire. Je suis en train de le lire. Okay. C'est « Pour en finir avec le gouvernement ». Excellent. Ouais, c'est pas pire. Donc, c'est ça. Donc, on dit que les contribuables paient. On veut demander éventuellement aux contribuables de payer 11$ par jour une place en garderie. Donc, d'augmenter un peu les tarifs. Et là, ça fait chialer les gens. Et en plus, on s'attaque pas juste à la décision du gouvernement. On s'attaque aussi aux gens qui gagnent plus d'argent de dire que c'est pas normal qu'ils gagnent 100 000$ paye sa place en garderie le même prix. Aussi 11$, mettons. Donc, les gens, ils disent que c'est illogique. Mais les gens semblent oublier que la personne qui gagne 100 000 a payé énormément d'impôts, alors que quelqu'un qui gagne moins a peut-être payé 0 % d'impôts. Mm. Une place en garderie dans le système des CPE, c'est 60$ par jour, le coût réel que le gouvernement doit assumer. Wow. Donc, je m'excuse, mais les gens qui ont gagné très cher l'ont payé en maudit, leur place en garderie. Il y en a même qui, à partir d'un certain salaire, ils aimeraient quasiment mieux que le gouvernement ne vienne pas chercher dans leur poche et qu'eux se mettent l'argent eux-mêmes de côté pour le payer le 60$ par jour. Ça leur revient quasiment à plus d'argent dans leur poche. Donc, encore une fois, on chiale alors qu'on se fait tout donner. Ça revient encore à ça. C'est pas nouveau. Non, effectivement. Après ça, on a toujours le Hydro-Québec, la SAQ, l'Auto-Québec, le nouveau fonds vert. On a des nouvelles taxes sur l'essence. Donc ça continue tout le temps. Le gouvernement continue de s'endetter d'un 20 à 30 milliards parce qu'il s'entête à garder des modèles coûteux. Okay? Donc, on pense que c'est du génie québécois d'avoir ces modèles-là en place, alors qu'en fait, c'est extrêmement coûteux. Et au pire des cas, si les faux, ça va rapporter de l'argent, c'est parce qu'ils vont avoir été siphonner ça dans les poches des contribuables en augmentant les tarifs ou en faisant des choses qui ont simplement pas d'allure. Mmh. Donc ça, c'est une autre affaire du modèle québécois. La question que les gens se posent à la fin, c'est qu'est-ce qui fait que certaines personnes détestent autant le modèle québécois? Qu'est-ce qui fait qu'on accroche sur plusieurs points comme ça? Parce qu'en passant, c'est pas tout le modèle québécois qui est mauvais. Il y a de très bonnes choses dans le modèle québécois. On n'en parlera pas dans la chronique d'aujourd'hui. Ouais. Ben non, mais j'aime autant le dire. Okay, ouais. Okay? Le système public qu'on a de rendre des choses comme la santé, l'éducation accessible, d'avoir des services offerts aux gens, moi, je trouve que c'est une très bonne façon de procéder. Mm. Mm-hmm. Le problème, c'est que le Québec gère très mal ces services-là. Il s'arrange tout à fait pour que ça coûte le triple, le quadruple du prix que ça aurait coûté. Et au lieu de regarder dans la cour de ses programmes qu'est-ce qui marche pas, ben il va juste siphonner plus le contribuable. J'aime pas cette mentalité-là. Parce qu'en tant que tel, le modèle québécois a du potentiel. Je trouve juste qu'on l'exploite pas assez bien. Mm. OK? Donc, je fais du chiolage à matin, mais je suis pas en train de dire qu'il faut tout jeter à terre. Il y a une bonne base? La base est là. On n'est juste pas capable de gérer ça comme du monde. Mm. Ça revient au même principe que la semaine dernière quand je parlais des enseignants. OK? Notre modèle d'éducation est bon. Est-ce qu'on peut mettre les gens compétents en place et s'arranger pour que l'argent aille à la bonne place? Ça revient encore à ça. C'est toujours ce que je dis. Et qu'est-ce qui fait qu'on est pris un peu dans cette boucle-là et que ça nous mène nulle part et qu'on est toujours en retard par rapport aux autres provinces? Eh bien, la réponse à ça, selon certains chroniqueurs et selon ce qui est dit dans le blog de Joanne Marcotte, c'est culturel. OK. On est dans une culture qui nous amène à agir comme ça et à se laisser faire dans ce modèle-là. Je trouve pas qu'elle a tort. Vraiment pas même. Que les Québécois se laissent faire, qui chiolent tout le temps et qui sont extrêmement rancuniers. Oui, ça entre autres. Hein, c'est souvent, au niveau de la rancune, c'est là que le « je me souviens » s'applique le plus. Exactement ça. Puis, ils veulent tout de suite. Mm-hmm. Oui. Tu sais, faire un changement, ça prend du temps. Tu peux c'est pas t'attendre. C'est des adolescents un peu. Ouais, c'est comme si c'est ça. Les Québécois n'ont jamais vieilli, mettons. OK. Mm-hmm. Oui, exactement. Puis le meilleur exemple, c'est qu'est-ce qu'on voit au niveau des baby boomers. Je mets pas tous les baby boomers dans le même bateau, mais il y en a qui pensent que tout leur est dû. Mm-hmm. Donc, si ça fait pas, c'est une crise du bacon. Tu sais, c'est... Ben, excusez, mais c'est vrai, ils ont... Qui a pas voté Justin Trudeau dernièrement, qui là chiale sur Justin Trudeau sans y laisser le temps de faire le changement? Ouais. C'est que les gens demandent à avoir du changement immédiatement. Right now. Et il y a aussi le côté où c'est qu'au Québec, on est victime. On se prend toujours pour des victimes. On est victime des Anglais. On est victime du modèle canadien. On essaie tout le temps de se démarquer des autres pour ne pas... Parce qu'on pense qu'on a tellement été victime à l'époque qu'on ne peut pas être comme le reste du Canada. Mmh. Ça revient tout le temps à ça. Ouais, on nous ramène tout le temps en histoire les référendums. On peut même aller jusque... j'ai un blanc à matin. Là, c'est tout ceux qui se sont fait pendre là, dans les patriotes. Merci. C'est facile en plus. Chaque côté du on est à l'université, voyons donc. Ouais. Donc ça, les patriotes, on ramène tout le temps ces tranches-là d'histoire. C'est vrai. Et on veut se battre contre le reste du Canada, contre les anglophones, à cause de ces tranches d'histoire-là. Alors que ça s'est passé à une époque. Aujourd'hui, on est dans un autre contexte complètement différent. Mais on dirait qu'on est encore pris là-dedans. Ouais. Et là, à cause qu'on a tant été victime au cours de l'histoire, tout ça, bien là, aujourd'hui, on veut tout avoir. Et on dirait que c'est valorisant de dire « Ah, mais on a le meilleur système public, on est ceux qui offrent le plus de services, puis c'est nous autres qui met le plus d'argent là-dessus, on a les médecins les mieux payés, on a les on veut tout. » On veut se comparer au reste du Canada, ouais. Mais on veut pas être comme le reste du Canada. Mm. Mm-hmm. Je trouve ça spécial un peu. Ça me fascine. En tout cas, on est snob. Jusqu'à un certain point, oui, sur certaines choses, mais pas sur d'autres. Ouais. Là, parce que, tu sais, comme je dis, je veux pas mettre tout le monde dans le même bateau et je veux pas faire une généralisation non plus sur tous les points que les Québécois ont. Là, mm-hmm. C'est assez complexe. C'est ça pour le texte. Je vais juste faire une petite parenthèse en finissant. Ça va être très rapide parce que c'est quelque chose de très drôle que j'ai vu. Avez-vous vu passer... on a tous vu passer sur Facebook les trucs de Simon. Oui, okay. Bien sûr. C'est ça. Il y en a un qui m'a marqué parce qu'en fait, moi, je me suis tanné de voir ça. À un moment donné, ça devenait trop après redondant. Une journée ou deux, là. C'était tannant. En plus, que moi, j'ai vu en anglais avec Bill. Oui, c'est en ça. Avec Simon. Mmh. C'est ça. Ouais. Le meilleur qui était fait, je pense, avec Bill, le personnage de Pokémon. Celui-là est excellent. Ah, okay, c'est le seul de Bill que je trouve excellent. Donc, il y en a un qui a été fait et ça a été partagé beaucoup par des gens de la gauche. Oui. OK? Mais vous allez voir, c'est normal. Ça respecte un peu leur idéologie. Donc, ça dit, voici la Suède. La Suède offre une éducation gratuite de l'âge de 6 à 19 ans. La Suède offre les soins dentaires gratuits jusqu'à l'âge de 20 ans. La Suède offre 480 jours de congés parentaux aux nouveaux parents. La Suède est cool, soyez comme la Suède. Ouais. Donc là, au niveau des gens qui ont les idéologies à gauche... Ça a l'air bien. Ça a l'air très bien. Oui. Et là, c'est tout le temps, prenez l'exemple sur ces pays-là, mais on sort seulement quelques points. C'est ça, elle n'est pas plus loin que ça. C'est comme... Exact. Et là, il y a un économiste de droite qui a pris l'image et il l'a complété. Oui, avec les faits, mettons. C'est, tout est appuyé, mais c'est particulier. Parce que vous allez voir que ça respecte quand même... Qu'est-ce qu'il dit dans l'image? Okay. Et lui, il dit, la Suède est devenue un pays riche grâce au libre-échange au 19e siècle. La Suède libéralise son marché du travail depuis 20 ans. La Suède privatise plusieurs sociétés d'État. La Suède permet la concurrence entre les écoles et donne de l'autonomie aux établissements. La Suède permet l'existence d'un réseau de soins de santé privé. La Suède laisse ses frontières ouvertes. La Suède a une légère réglementation du marché des capitaux. La Suède comprend que la création d'un filet social ne nécessite pas un État qui réglemente et taxe tout. La Suède applique une social-démocratie moins débile que nous. Oui, soyons comme la Suède. Hein, donc, ça va dans le même sens, ça va dans pour le même raison. Exactement. Donc, les gens sortent quelques points. C'est les deux côtés de la médaille. Mais la raison pour laquelle la Suède peut se payer tout ça, c'est qu'ils ont fait d'autres décisions qui rapportent de l'argent. Alors que nous, on ne veut pas faire ça. Mm. Mais on veut en plus les choses bonnes des autres. Ça va avec du changement. Ben oui, ça va avec la célèbre phrase qu'on veut le beurre et l'argent du beurre. C'est ça que le Québec veut, on dirait. On veut tout avoir sans vraiment sacrifier. C'est une des expressions que j'entends le plus de chroniqueurs qui commentent l'actualité du Québec. Au Québec, on veut le beurre et l'argent du beurre. Ouais. Et on veut continuer de siphonner qu'est-ce qu'il y a dans le reste du Canada sans aider le Canada dans leur projet. Ça a du sens quand même. C'est ça. On peut conclure là-dessus. Exact. Merci Samuel Girard. Hey, ça me fait plaisir. On t'écoute à Chine en Liberté jeudi à 9h30. Exactement. Toujours en direct? Oui. Voilà, avec plein de sujets sur l'actualité qui aura lieu pendant les prochains jours, j'imagine. Fait qu'à un moment donné, il ne faut pas trop en parler à l'avance. Ben, c'est ça. À date, je le sais qu'on va sûrement parler de sport de l'UQTR. C'est ce que je vais essayer de nouveau. Oui, cool. C'est la seule chose qui était planifiée d'avance. Le reste, on va y aller avec ce que l'actualité va nous dicter dans les prochains jours. Au jour le jour. Et au Mathieu Plancheau cette semaine, mercredi, à 15h. La semaine prochaine. La semaine prochaine, t'étais là la semaine passée, t'as raison. Exactement. Merci Samuel. Fait plaisir. Je dans mon calendrier. au retour de la pause, c'est Maxime Perra qui s'en vient avec sa chronique gratin et vin gratuit. J'ai déjà l'eau à la bouche. Menu, menu. C'est fou. 89.1. Visitez cifou.ca. Assemblage requis est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Bonjour, c'est toujours à Assemblage requis en ce lundi 1er février 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Oui, qu'on a provoqué des remous, comme toujours, avec Samuel Girard. Les gens sont pas contents, hein, c'est sûr. Mais tu sais, c'est une question d'opinion. C'est une chronique d'opinion. On l'a bien dit au départ. Chronique d'opinion. Maintenant, c'est Marie-Christine Perra qu'on accueille qui, elle, va nous parler certainement pas de... Ben, en fait, ça peut être un peu d'opinion, en fait, parce qu'elle analyse de l'art visuel. Donc, ça pourrait être un petit peu d'opinion. Donc, voici sa chronique gratin et vin gratuit. Raisin en grappe, fromage brie, des galeries d'art, elle se nourrit d'art d'œuvre, de photographie, d'art visuel en tréfluvie. Voici gratin et vin gratuit. Ah, les petits mouvements que tu fais là-dessus, là, c'est tout c'est beau, hein? Moi, je danse comme une hippie, voilà, selon les dires de Myriam Lortie. Salut, Marie-Christine Perra. Bonjour, ça va bien? Mathieu et Tania. Ben oui, ça va très bien. Vous-même, vous allez bien? Ça va très bien. Absolument. Ouais. Absolument. La sobriété va toujours bien en ce lundi matin. En ce premier jour, oui, ça va. C'est bon, mais c'est justement, hein, on parlait de... Ben, pas on, mais tu parlais d'économie quand on ne boit pas. Mais moi, j'ai un truc, hein. Je cours les vernissages, alors ça ne me coûte pas cher. C'est gratuit, le vin. C'est ça dans ta chronique, gratin et vin gratuit. Ouais, mais on se... On se tape pas à face, mettons, dans, non, hein? Non, non. Dans un vernissage. Ben, on pourrait. Ben, ouais, c'est ça. C'est juste sensible. Mal vu. Ouais, ben, genre, je pense que ça peut se faire, mais c'est ça. Moi, je me garde une petite gêne quand même. Donc, qu'est-ce que j'ai fait là, dans les dernières semaines en termes d'art visuel à Trois-Rivières? Oui, c'est un bout encore qu'on s'est pas vu. Le temps passe vite entre deux semaines. C'est deux semaines, ouais, c'est ça. Il me semble que je griche. Ça se peut-tu? Moi, j'ai toujours des problèmes d'audition. Ah, ça se peut. Je suis très, très déconcentrable finalement. OK, je pense que je vais bien. Je peux commencer. Allons-y. Donc, j'ai été voir. Premièrement, je pense que j'ai le goût de commencer par ça. Je vais y aller plus rapidement que l'autre parce que j'ai été, je vous avais parlé qu'il y avait un vernissage à la Galerie R3 précédé d'une performance sonore pour les avertis. Mais en fait, qu'est-ce qui était pour les avertis? C'était avant, il y avait une espèce de conférence qui expliquait le travail théorique des artistes qui étaient là. Donc, les deux artistes, c'est Yves Leduc et Nathalie Gagnon qui, eux, font partie du groupe de recherche en sculpture et art sonore qui est le GRESAS. Ah. Peut-être. Ah. Puis ça œuvre dans l'Outaouais, donc à Gatineau, Ottawa, dans cette région-là. Puis donc, ils font de la sculpture, ils font de la performance, qu'ils appellent aussi de l'art-action. Là. La performance prend toutes sortes de termes. Puis, moi, j'ai pas assisté à la conférence parce que moi, je pensais que c'était la performance qui était un peu bizarroïde, qui était avant. Puis moi, j'y allais avec mes filles. Fait que, tu sais, je voulais pas les tannées, puis qui me dit « Maman, veux m'en aller. Mm-hmm. » Fait que je suis arrivée à 5 heures pour le vernissage, mais finalement, la performance était à 5 heures. Ah, bon. Donc, j'ai pu assister à la sculpture sonore de ce groupe. Et puis, oui, tu parlais de pignon, peut-être un petit peu. Des fois, les arts visuels ou les arts performatifs, c'est peu accessible pour un public large. Oui. Puis même pour les initiés, des fois, on peut se heurter à certaines choses. Donc, moi, j'ai eu un petit choc quand même quand je suis allée là. C'était... Je sais pas, puis ça a l'air que quand il expliquait son propos, tout ça, que c'était très, très intelligent, puis c'était très intéressant. Mais là, quand on vient le mettre en pratique, des fois, ça fonctionne moins. Des fois, l'idée est bonne sur papier, mais quand on la fait véritablement, ça fonctionne moins. Ça reste subjectif aussi. Ce qui peut être intelligent pour un peut être top pour l'autre. Ce qui peut être. Ouais, mais tu sais, quand on explique, là, moi, j'ai déjà eu des excellentes notes en sculpture, en modelage, parce que c'était accompagné d'un texte. Puis mon texte était super brillant, mais ma sculpture, pour vrai, là, je l'ai pu, puis c'était pas super. Fait que des fois, on va mettre l'accent sur le propos théorique mm-hmm. plutôt que sur l'œuvre finale. Puis là, ben, on va encenser les personnes qui réfléchissent et qui sont supposément brillantes. Puis on va laisser aller la chair qu'on observe, finalement. Mm. Donc, c'est un petit peu ça qui est arrivé, à mon sens, parce que c'était... je sais pas, là, je suis bien découragée de voir ça. Je suis même partie avant la fin. À un moment donné, c'était trop. Là, il se promenait dans l'espace de la galerie. Puis là, il y avait des espèces de boules, des sphères en plâtre. Puis là, c'était creux. L'exposition s'appelle « Corps creux ». Puis là, la fille, elle embarquait un peu dedans. Elle les défaisait. Puis là, elle frottait une espèce de micro dessus. Fait que c'était comme ça. OK. En gros, là, ça faisait un gros son. Puis là, le gars aussi, il avait genre des tapes sur ses lunettes. Fait qu'il voyait pas. Fait qu'il avait toujours le menton un peu relevé pour voir en dessous de ses lunettes, tu sais, comme quand tu bouches les yeux pour jouer à la queue de langue, puis là, mais tu peux voir un peu par en dessous. Fait qu'il faisait ça, tu sais, il se promenait un peu la tête en l'air pour voir en dessous de son tape de lunettes. J'ai pas trop compris c'était quoi le principe de ça, parce que j'ai manqué l'explication quand même. Oui, oui, oui, faut le dire. Mais en tout cas, puis là, après ça, là, lui, c'est cet homme-là, il avait un moulin à café avec des grains de café dedans, puis là, il partait, puis là, il l'amenait sur le micro, puis là, il l'éloignait, fait que ça faisait un petit peu comme un bruit de mouche, tu sais, puis là, il faisait comme s'il cherchait la mouche, tu sais. Ben, c'est ça, c'était particulier, mais il y avait de bonnes idées quand même, c'était multisensoriel, là. Donc il y avait le son, on voyait l'action des protagonistes, il y avait aussi, il faisait chauffer du sirop d'érable pour faire de la cire, donc il y avait l'odorat qui était sollicité, et possiblement le goût, parce que là, ils faisaient bouillir le sirop, donc on sentait l'odeur du sirop. Puis là, après ça, ils nous ont amené à l'extérieur, puis elle l'a mis sur la neige, puis on avait des petits bâtons de bois, donc on était supposé de goûter, mais la tire n'a pas pogné. Bon, mais là, ça, c'est les joies du direct, là. C'est des choses qui peuvent arriver, là. Mais quand même, moi, je dis souvent ça, et je suis pas la seule, c'était un petit peu masturbatoire, là. Tu sais, c'était très difficile. Ça fait plaisir à eux-mêmes. Ça, le trip, il est pas mal plus entre eux deux. Leur expérience personnelle à vivre ce genre de performance-là, mais pour ceux qui regardent, là, c'était un petit peu long. Puis, tu sais, j'étais assez ouverte d'esprit, là. Mm-hmm. Mais j'ai vraiment, là, ça, c'était pas dans mes cordes, disons. Puis, ben, c'est ça, tu sais, la performance, on peut pas l'acheter, c'est intangible, non, oui. Puis c'est éphémère parce que faut que tu sois là comme vous, ben tout ce qui reste de cette performance-là, c'est moi, qu'est-ce que je peux vous raconter, ou les photos, les vidéos qui ont été prises pendant la performance. Et l'exposition, ben c'est ça, parce que cette performance-là faisait partie d'une série de, je pense, c'est une trilogie, là, puis donc... Il y en avait fait d'autres ailleurs, en Italie puis à Cuba quand même. Tu sais, ils se promènent de par le monde. Ils sont quand même reconnus pour ce qu'ils font. Et puis, l'exposition à la Galerie Art 3, c'est les reliquats de leur performance antérieure ou leur art-action. Donc, on peut observer des costumes, des photos, des vidéos d'anciennes performances et les artefacts de la performance qui a eu lieu le 20 janvier. Donc, on peut aller voir, les sphères sont là, les corps creux sont encore là. Donc, il reste des traces physiques de leur performance, puis on a des documents de performance antérieure. C'est quand même le fun, ça. Ça peut l'être. Oui. Mais, tu sais, c'est à voir quand même parce qu'il faut être conscient que toutes sortes de choses sur le marché, puis c'est un peu comme la musique, tu sais, il y a des styles qu'on préfère à d'autres, puis tout ça. Tu fais pas de l'art bashing en ce moment, mettons. Non, pas du tout. Ben, vraiment pas, même, là. Tu sais, c'est bien correct que certains aient leur démarche, puis tout ça. Mais là, moi, ça collait moins. Mais pourtant, la performance, j'aime ça, j'en ai fait. C'est vraiment quelque chose qui me surprend. Mm. Mais là, c'était un petit peu trop masturbatoire, j'ai l'impression. Ouais. Là. C'était trop inaccessible, disons. Hermétique. Donc, voilà. Oui, c'était hermétique. Fait que ça, c'est ce que j'ai vu à la Galerie Art 3, qui est jusqu'au 12 février. Donc, c'est ça, vous avez encore le temps d'aller faire un petit tour. Puis, ça veut dire qu'il va y avoir un autre vernissage à la mi-février. Ça t'excite pas mal. Oui, j'ai hâte de voir ça va être quoi. Fait que c'est ça, vous pouvez aller faire un petit tour. Encore une fois, c'est sur le campus. Oui, c'est pas loin. À trois pas. Vous rentrez, ça coûte rien, ça prend 4 minutes. Observer, t'aimes pas ça, tu sors, t'es curieux, t'observes un peu, ça peut prendre 10 minutes, tu pars, mettons, de la cafétéria, tu marches jusque là, puis tu reviens à ton cours, là, c'est pas long. Mmh. Fait que allez-y faire un petit tour. C'est sûr que là, c'est peut-être pas la meilleure exposition pour s'initier, mais quand même, on peut prendre l'habitude d'aller faire un petit tour aux deux semaines. Vous commencerez au prochain. Exactement. Puis là, je vais vous envoyer une belle chanson qui, évidemment, c'est mon auteur, compositeur, interprète favori de la Mauricie, donc qui m'a composé un thème. À chaque fois que je suis capable de faire un lien, je mène de ses chansons. Je voulais vous faire passer une chanson de Claude Gauthier, mais je me disais qu'il n'était pas trop de la relève, ce gars-là. C'est un vieux de la vieille. Mmh. Fait que j'ai choisi Daniel Morissette avec la chanson Le nuage fleur de lys, parce qu'ensuite, je vais vous amener dans un univers de paysages québécois, un peu gaspésien, Île-de-la-Madeleine. Donc, vous allez voir, la chanson, c'est... comme une chanson paysage, disons. Ça va être le contraire de la chronique d'avant, pour ceux qui étaient là. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Le nuage fleur de lys dans notre ciel bleu suit le vent en coulisses. Il va moutonneux dans les airs, il pavoise sur nos jaunes campagnes, couvre d'ombre chinoise nos vertes montagnes. Quelquefois ballonnées pour percer en orage, certains soirs de l'été, il rafraîchit les plages. Le nuage fleur de lys dans notre ciel gris, pianissimo s'immisce avec mélancolie. Dans les airs, il s'étend sur nos terres, nos falaises, frôle le parlement et la croix montréalaise. Quelquefois en automne, il se lie aux couleurs, certains jours il s'étonne que sa langue se meure. Le nuage fleur de lys dans notre ciel blanc, à pas de loup se glisse pour mieux freiner le temps. Dans les airs il se tait, immortalise en froid les villages où créchait le folklore d'autrefois. Quelquefois floconneux, il habille les sapins, d'autres fois si brumeux qu'il fantôme nos chemins. oasis qu'il pointe vers le bleu. Le nuage fleur de lys se souvient des aïeux. Dans les airs, il s'en mêle, à la France surtout, en nous offrant du ciel, nos Alpes propres à nous. Quelquefois cotonneux, aux quatre coins des champs, un drapeau blanc et bleu danse au vent du printemps. Danse au vent du printemps. Daniel Morissette et Le Nuage, Fleur de Lys dans la chronique de Mère Christine Perron. On était rendu à un autre sujet sur l'art oui, visuel. Ben oui, c'est ça, je vous amène dans les paysages québécois urbains et ruraux, en fait. Donc, c'est pour ça que cette chanson-là, je trouvais que ça se prêtait bien à l'observation de haut du paysage québécois. Et Daniel Morissette, un habitué de ta chronique. Ben oui, exactement. Et donc de l'émission. Je ne sais pas trop c'est qui, un jour j'aimerais bien le rencontrer, un mais jour. J'aime beaucoup ce qu'il fait. On a comme, tous des idoles comme chanson. Ça. C'est pas bien d'idolâtrer des gens. Oh, j'en ai juste une, fait que ça va. Donc, c'est une exposition que j'ai vue au centre d'exposition Raymond Lanier, qui est en haut de la bibliothèque à la Maison de la Culture de Trois-Rivières au centre-ville. Donc, c'est Éric Lamontagne qui expose ses toiles. Vraiment, ça a été... c'est très charmant comme exposition. Ça, c'est un endroit à aller pour les non-habitués. Là, c'est vraiment... le coup d'œil est très beau. Puis, en même temps, il y a une technique spéciale. Donc, lui... Il va peindre sur des toiles sans après. De l'après, là, c'est du primer. Okay. Donc, ça, c'est en bon français. Rabaisse-toi à notre niveau. Non, mais tu sais que moi, je suis issue du monde de l'éducation. Donc, je suis une enseignante, moi. Donc, oui. Ben, tu parles français avec des termes francophones. C'est ça. Donc, je fais attention à mon parler. Voilà. Mais là, je suis assez fou. Fait que bon, il n'y a pas de... Donc, il n'y a pas d'après dessus. Ce qu'on appelle, habituellement, on utilise du gesso. C'est anglophone, ça? Bon, je connais. Ben oui, c'est comme du jigaloo, ça? Non. Je ne sais pas, non. Je ne sais pas ce que c'est du jigaloo, mais peut-être. Donc, c'est une espèce de primer là, qu'on met sur la toile parce que, évidemment, la toile, elle est faite de tissu, de lin, de coton ou de tissu de chanvre. Donc, si tu as peut-être déjà échappé quelque chose, genre du vin gratuit sur ton, sur ton vêtement, puis là, ça fait comme se diffuser. Ça prend de l'ampleur, c'est oui. C'est ça, exactement. Mmh. Donc, si on ne met pas d'après sur la toile, bien, si on va appliquer de la peinture à l'huile ou à l'eau, bien, ça va se diffuser dans la toile. Donc, lui, c'est ça qu'il fait. Il utilise une toile sans gesso. Pour que ça fasse ça. Exactement. Donc, ça donne des paysages un peu fantomatiques, brumeux. Et ça donne des aspects un peu nostalgiques à ces toiles. Puis même qu'il y en a une qui est... qui est presque futuriste ou de science-fiction parce que, tu sais, la couleur rouge, un peu, c'est une espèce de côte, là, probablement en Gaspésie, aux îles de la Madeleine, là, qui est sur le bord de la mer. Donc, c'est un rocher un peu orangé, rouge, vous voyez un peu... bon. Donc, puis la couleur s'est diffusée, fait que ça fait des espèces de nuages. On dirait que c'est sur la planète Mars, presque, là. Donc, ça donne des effets très, très, très, très intéressants. Puis, après avoir appliqué sa peinture de cette manière-là, il va enduire un vernis ou une espèce de gesso, mais après. Puis, il va laisser les coulisses. Donc, tu sais, ça révèle en même temps sa technique. Donc, c'est très particulier. C'est, tu sais, pour ceux qui connaissent ça, ben on peut, tu sais, hey, moi, je comprends qu'est-ce qu'il a fait. Puis, pour ceux qui connaissent moins ça, ben le coup d'œil est vraiment très, très agréable. Puis ça, ces toiles-là... sont arrivés, en fait, dans les années 1400, quand même. Avant, on peignait sur du bois. Puis là, ben pas sur du bois Claude, mais sur du bois. Oh oui! Ça gagne un matin! Wow! Mais hein, tu déteins sur moi, Mathieu. Donc, c'est ça, on peignait sur du bois. Je sais pas, ça sonne vraiment comme une autre famille. Mais après ça, on a commencé à appliquer sur des toiles de lin ou de coton. Donc, ça, c'est arrivé en 1410 quand même, ça fait un petit bout de temps. Puis, on peint encore maintenant sur du bois, évidemment. Mais donc, c'est ça. Puis, il y a eu un courant aussi dans... parce qu'on a toujours mis un après sur les toiles de tissu dans le temps, là, en 1400, tu sais. Hein? Mm-hmm, tu ben oui, j'étais là. Voilà. Puis, donc, ça fait un fini un peu lustré, un peu glacé. Ouais. Donc, puis ça permet d'accumuler les couches, un peu comme je vous avais parlé, là, c'est pour faire du glacis, puis tout ça. Ça permet d'accumuler les couches parce que, il y a une couche entre la toile et la peinture, ouais. Donc ça se diffuse pas dedans. Donc c'est presque pour imiter finalement la texture du bois qu'on a fait ça, mais c'est que ça coûte moins cher le tissu. Donc c'est une question économique. Puis dans les années, je te dirais probablement 50, 60, là, en tout cas j'espère que je dis pas n'importe quoi. Mais au milieu du 20e siècle. Ouais, merci Mathieu. Donc il y a eu un mouvement qui s'appelait le Color Field Painting, qui était un peu dans la lignée après Pollock puis tout ça, donc ou un peu avant, en tout cas dans ce coin-là. Puis eux, ben ils peignaient sur des toiles sans après. Pour diffuser la couleur. Ouais, puis oui. Là ben eux autres, c'est parce qu'ils voulaient vraiment révéler le support. Puis là, tu sais, c'était la peinture pour la peinture. On voulait pas représenter quelque chose. On voulait pas utiliser le support pour représenter quelque chose de réaliste, mais pour parler de la couleur et du tissu ouais. sur lequel la couleur s'appliquait. Ouais. Donc, il y a eu toutes sortes de mouvements en peinture, puis on peut choisir ceux qu'on préfère à ceux qu'on préfère moins. Donc, c'est ça, cette exposition-là est vraiment, elle est vraiment très, très intéressante. Puis aussi, il va sortir du cadre, lui. Okay? Tu sais, il y a le cadre physique là, de la toile, il va en sortir. Puis il y en a une vraiment, là, c'est une belle trouvaille pour lui. C'est, il y a la toile qui est là, puis il y a plein de petites toiles qui sont insérées. Mettons, on regarde la toile là, devant nous, elle est face à nous, puis là, on peut la tourner, mettons, de 90 degrés. Donc, on va voir comme juste le. Aidez-moi, là. Juste le côté. Excuse-moi, j'essaie. Parce que on voit la toile de face, évidemment, ouais. Mais si on la tourne à 90 degrés, on a accès juste à la petite comme bande. Un peu la reliure. Ouais, c'est ça. Okay. Ouais, le cadrage, mais ouais, sans c'est ça. Cadre. Mais tu sais, c'est petit, là, c'est oui, un petit rectangle. Oui, oui. Et on comprend, ouais, là, ouais. Parce que là, c'est sûr, vous, je vous le mime, fait que c'est plus facile à comprendre. C'est quand même. Mais le côté du tableau, en fait. Ouais, c'est ouais. Ça. Ouais, c'est donc bien simple. Donc, on peut voir le côté du tableau. Donc, lui, il a fait ça avec, tu sais, il y a une grande toile qu'on voit de face, puis des petites toiles qui sont tournées à 90 degrés, qui a peint aussi dessus. Donc, si tu regardes de loin, tu vois toute la toile. Ouais. Mais quand tu t'approches, ça fait comme des livres dans une bibliothèque. Okay. Puis on peut retirer les petites toiles. Mm-hmm. Puis là, il y a de la peinture aussi sur le devant de la toile. Puis tu c'est peux bien. La resserrer, la ranger dans la toile. Donc, il a fait des incisions dans sa grande toile pour pouvoir insérer des petites toiles qui font comme des livres dans une bibliothèque. C'est fort! C'est vraiment beau. Puis en plus, toute l'exposition est un peu... ça fait appel à la mémoire, aux souvenirs, parce que c'est un peu brumeux. Mmh. Puis là, c'est le gars qui a vu des paysages, qui repeint les paysages, mais qui sont toujours dans une espèce de... C'est ça, de brume. Donc, c'est nos souvenirs, c'est comme ça. Là, quand on se rappelle de quelque chose, ben, c'est toujours différent un peu de la réalité. Puis là, ça se change à travers le temps. Donc, je trouve que l'exposition parle beaucoup de ça, de cette mémoire-là, de ce souvenir-là. Donc, ça se prête vraiment bien à ça parce que les souvenirs, c'est un peu ça, c'est comme des livres, puis on peut les changer de place aussi. Puis, en tout cas, donc, je trouve ça, là, c'est vraiment une belle trouvaille pour son exposition à Éric Lamontagne. Et puis, il y en a une autre aussi, ça s'appelle Rail. Rail. Mm-hmm. Rail. Comme des rails de chemin de fer. Exactement. Ouais. Et Valise. Puis, c'est deux œuvres qui sont mises ensemble. Puis, c'est quand même un très grand format où on a la perspective, là, qu'on... C'est classique, là, où on voit le chemin de fer qui diminue. Donc ça, c'est sur le mur. C'est une très, très grande toile qui a ce chemin de fer-là qui s'en va. Puis par terre, il y a l'équivalent, la même longueur de toile, l'équivalent sur le plancher, qui est aussi le rail. Oh! Puis il y a une valise qui est posée sur ce rail-là. Donc quand tu es spectateur, puis tu viens devant, tout près de la valise, bien, c'est vraiment comme si tu étais impliqué, comme si c'était toi le voyageur. Ah, un petit peu. Ouais, c'est comme la réalité virtuelle. Oui, ouais, c'est vrai. The Matrix. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est un bel effet spécial. Puis, donc, ça, c'est très bien. Puis, il y a une espèce de lumière très vive au bout. Donc, je trouvais que ça faisait soit de l'espoir, tu sais, la lumière au bout du tunnel, ou cette lumière au bout du tunnel qui est comme la mort, finalement. Tu sais, il y en a qui reviennent à la vie et disent ça. Donc, ta valise pour le paradis. Ben un peu. Tu sais, je me disais, est-ce que c'est pour l'espoir ou c'est pour la fatalité? Tu sais, la fin du voyage, il y a toujours un bout au chemin. Donc, il y avait ça, là. Je trouvais... c'est ça que j'ai lu un petit peu dans cette œuvre-là. Donc, je vais terminer là-dessus. Je pense que... Hein, je fais ça vite cette fois-ci. Ah, mais c'était très bien. Pas pire, hein? Ben, oui. Je me suis concisée. Concisé, en effet. Ouais, et non pas circoncis, parce que je peux pas. Non. Donc, ben voilà, je vous invite vraiment à Raymond Lanier. Là, c'est une très belle exposition. Je dis, j'ai fini, mais non, en fait, je veux vous inviter à des vernissages. Oui. Et aussi, hein, une exposition que le vernissage, c'était hier, j'ai oublié d'y aller. Je sais pas. Un dimanche, on pense pas à ça, ça. Ouais, oui, je sais pas. Là, j'étais dans d'autres choses. Hein. Donc, c'est au Zenob, c'est jusqu'au 27 février. C'est l'exposition Mosaïque de Steve Landry. J'ai aucune idée qu'est-ce que c'est. Je vais aller voir ça. Je vais vous en reparler dans deux semaines, mais vous pouvez y aller, même si je vous ai pas vendu ou invendu l'exposition. Ah, vous, vas-y, se faire tenir par la main, ça va faire. Allez-y! Puis sinon, un vernissage, si vous voulez finalement me rencontrer, parce que je pense qu'il y en a qui en rêvent vraiment. Donc, je serai au Frida, l'endroit que je préfère dans tout le centre-ville de Trois-Rivières. Tout le monde en parle tellement bien, fort, c'est une expérience. C'est fou, ouais, il va falloir manger des toasts aux avocats. Oui. Non, pour vrai, moi, je ne suis pas vendue encore, mais je vais pour le travail. OK. Parce que je suis obligée. Okay. Vous êtes en plus. Oui, c'est ça. Avec, ça fait 3, 4, 5 fois que j'y vais pour voir des expositions. Ben, je sais pas, j'ai pas encore compris. C'est très, très hipster. L'intérêt, ouais. C'est ça. Puis peut-être que moi, ben, je suis peut-être trop vieille. C'est ça là, que je trouve. Il y a peut-être un... Ouais, mais l'intérêt hipster, c'est ça. Selon, mais moins clair un peu. Ben, c'est très diversifié. Oui. Non, c'est parce que je trouve que c'est très anglophone, très montréalais, ouais. Très ouais. Moustachu. Mais très... à Trois-Rivières, c'est vrai. Fait que ça, je trouve que c'est un petit peu triste de... Tu sais, tous les groupes qui vont jouer là, c'est tout en anglais. Il y a une espèce de... Oui, mais il faut ça, parce qu'à Trois-Rivières, en tant que tel, est-ce qu'il y en a tant que ça, des places qui font des shows comme ça? Ben, c'est très, très alternatif, il n'y en a pas. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est ça. Mais peut-être, là, je juge aussi peut-être sans trop savoir, mais je sais pas, il y a quelque chose de particulier. Je trouve que le café, il est super cher pour des chaises de secondaire en bois. Là. Ah oui? Mm-hmm. Fait que c'est ça, il y a des choses que je n'ai pas encore compris. Ça vient d'ouvrir aussi. Mais je sais que c'est très, très apprécié, c'est très populaire, puis tout ça. Donc, c'est moi, finalement, qui ne comprends pas. Là. C'est tout. Bon, mais bravo au Frida. C'est toi le problème. Oui, c'est ça. Donc, je serai au Frida, mon endroit préféré du centre-ville de Trois-Rivières. Mais à force d'y aller, je vais commencer à aimer. J'ai pas vu qu'elle aimait du sarcasme. Oui, mais non plus, j'étais sûre qu'elle aimait vraiment ça. Ouais, mais je suis comédienne aussi. Oui, c'est ah, ça. C'est ça. Là, l'affaire. Ouais. Mais en fait, puis je serai là ce soir aussi. Ce soir étant lundi 1er février, qu'est-ce qui se passe? Ouais, ce soir? Ah, ben j'ai une lecture de théâtre, justement, allez. Parce que je suis comédienne. Puis là, c'est là qu'on se rencontre. Toi, vous pouvez venir me voir ce soir, mais je vais travailler, donc il ne faudrait pas me déranger. Mais vendredi qui s'en vient, qui doit être quoi, le 4 à peu près, le 5. Donc, il y a un vernissage, c'est Aurélie Lacroix. Et puis, sur le site Facebook de Café Frida, c'est marqué que c'est son premier anti-vernissage. Bon, garde-moi ça. Je suis très curieuse d'aller voir ce que c'est pour elle un anti-vernissage. Donc, c'est écrit qu'il y aura menu forain, punch funky, œuvres spéciaux. Wow. Et oui, parce que je serai là. Je pense qu'elle le savait, donc elle... C'est pour ça qu'elle a écrit ça. Mais tu nous as déjà parlé de démontage ou quelque chose comme ça, où on va faire, on va placer des trucs et après ça, on va démonter. C'est à ça que tu invites les gens à la place des invités à l'installation, le vernissage. Mm-hmm. Donc là, l'anti-vernissage, est-ce que c'est comme un autre mot pour dire démontage? Non, je pense pas. Nous, mais tu étais très attentif, c'est bien. J'essaie vraiment. Mais oui, c'était un dévernissage, l'autre truc, parce que c'est un artiste en résidence. Puis là, on présentait son œuvre finale. Puis, je pense que ça, c'était pas exposé après. Ouais. Donc, ça, c'était le dévernissage, finalement, okay. Quand vous avez parlé de ça. Mais là, anti-vernissage, c'est plus, tu sais, c'est un peu un pied de nez, je pense, au traditionnel vernissage. Ouais, okay. C'est peut-être je pense que c'est un peu ça. Faudrait y aller pour voir, c'est ça. Faudrait y aller pour voir. Donc, tu vois, je porte attention à ce que tu dis, sinon je me fais dire que je fourgue à l'émission. Hein? Ah. Super. Merci, Marie-Christine Perra. On se retrouve dans deux semaines. C'est toujours à 8h30. Oui, à 9h, pardon, les lundis. Aux deux semaines. Marie-Christine Perra, merci encore. Nous, c'est la fin de l'émission. Déjà, sur ça, moi, ça passe là, à la vitesse d'un éclair. Ça passait vite ce matin. Ça n'a aucun sens. Merci d'avoir été à l'écoute. On remercie Marie-Christine Perra, on remercie Samuel Girard. Encore une fois, une petite note. Étant donné que c'est public sur Facebook, on s'est fait dire que l'émission volait bas aujourd'hui avec notre Québec bashing. Encore une fois, c'est une question d'opinion et c'est pas parce que les gens ont un avis contraire au vôtre que c'est pas une opinion valide et valable. Voilà. C'est ça. C'est tout ce que je voulais dire là-dessus. On n'en remarquera pas dans un long débat. Merci, Tania. Ben merci à toi, Mathieu. Demain, à l'émission, on va être mardi. Et à mardi, on a Gabriel Béaud pour la chronique de la Luitre. On va parler d'improvisation ensemble. On a aussi Jimmy Thibodeau qui est là à 8h pour la chronique sur l'actualité passée sous le radar, c'est-à-dire des actualités que vous n'avez pas nécessairement entendues. Il nous les explore et les explique. Et je trouve qu'il le fait très bien. On est à 8h demain, à mardi. 6h30 à 9h30. Nous serons là tous les deux. Oui! Sur nos ondes, bien sûr, Disney.com avec Danny Janvier, ça s'en vient à 11h pour joindre l'inutile à l'agréable. Ensuite, à 13h, c'est les délirantes. À 14h, rock classique avec Alain Lefebvre. 19h, le voyage insolite avec de la culture rock, du cinéma et de la littérature fantastique. À 20h, c'est rock de neurones. Mais dans quelques instants, soyez à l'écoute pour une toute nouvelle émission sur nos ondes. Oui, ça va être bon. C'est fou le sexe, c'est l'émission sur l'éducation sexuelle. Ça débute à 10h, donc dans un petit peu moins d'une demi-heure. On va se quitter avec une pièce de Cage the Elephant, Mess Around, parce que c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a vraiment niaisé d'un coin. Ouais. C'était le fun. Une belle petite partie de plaisir. On a bien fait ça. Yes, bonne journée, Tania. Bonne journée, bon bonne café. Bonne journée, les petits requins. Bye.